19h, mardi soir, tu te décarcasses pour savoir où passer ta soirée. Le concert de basse et de maracas est annulé. Et ta petite amie vient de casser. Tu te sens vraiment bluesy et t'as la haine. Tu te promènes tout seul sur les quais de la Seine. Les mardis de l'espace au café du Pont Neuf te changent les idées, te remettent les accus à neuf. Les mardis de l'espace au café du Pont Neuf. Merci Michel, merci infiniment. Bonsoir à tous, merci beaucoup de votre présence ce soir. Oui, comme l'a dit Michel, quand on se sent un peu bluesy le mardi soir, on peut venir au café du Pont Neuf. Bonsoir aux amis de My Science Work qui sont là et qui vont tweeter, qui vont raconter directement sur Twitter en direct ce qui se passe au cours de cette soirée. Et vous aussi, vous pouvez commenter vos posts, enfin poster vos commentaires plutôt directement sur Twitter avec le hashtag KnessTweetUp. Et puis en anglais, même on a une grande première sur Twitter en anglais ce soir, les mardis d'espace grâce à Abby. Merci beaucoup Abby d'être avec nous. Les catastrophes naturelles, l'aide du spatial, c'est donc le sujet de ce soir. Comment les satellites peuvent-ils aider à mieux les gérer lorsqu'elles surviennent? C'est ce qu'on va voir avec vos questions. Et vous allez pouvoir discuter directement avec nos deux intervenantes de ce soir, Hélène de Boissezon et Cécile Vignol, que je vous demande de bien vouloir accueillir, s'il vous plaît. Cécile Vignol, Hélène de Boissezon, est-ce que vous voulez bien nous dire quelques mots de vous? Bonsoir, je m'appelle Cécile Vignol, je travaille donc à l'Agence spatiale française, à la direction de la stratégie du programme, et je suis en charge donc des applications d'observation de la Terre et donc plus particulièrement donc de ce qu'on appelle la télé-épidémiologie. La télé-épidémiologie, ça c'est votre fonction en propre? Et donc oui, vous occupez de chikungunya, dengue, paludisme, voilà, ça c'est le genre de maladies infectieuses sur lesquelles vous travaillez. Et puis Hélène de Boissezon. Donc moi je travaille aussi à l'Agence spatiale française, donc, mais par contre au CNES, ouais. Au CNES, mais au Centre spatial de Toulouse, dans la direction technique. Et je m'occupe d'un service où on met au point des techniques pour l'analyse de l'image spatiale. Et notamment c'est dans mon service qu'ont lieu toutes les activités autour de la charte internationale espace et catastrophes majeures. Voilà, dont on a parlé tout à l'heure, et qui est mise en œuvre combien de fois par an? Qui est mise en œuvre à peu près entre 30 et 40 fois par an. Ah oui, 30 et 40 fois par an quand même, hein, c'est oui. Important. Ouais. Et plus de 360 fois depuis sa création. C'était il y a une dizaine d'années, il y a une douzaine d'années. En 2000, c'est ça? Oui. Ok. Et donc vous me disiez, vous, votre métier, c'est de faire le lien entre le monde du spatial et les utilisateurs de tous les moyens d'observation de la Terre. Alors évidemment, il y a les scientifiques, mais il n'y a pas que eux. Hein, il y a aussi tout un autre groupe d'utilisateurs. C'est qui alors? Donc, au-delà des scientifiques, il y a tous les acteurs institutionnels qui ont un intérêt dans le spatial, mais qui souvent sont assez loin d'un point de vue technique, donc des méthodes d'analyse des images. Et donc nous, au CNES, on est là aussi pour rendre accessible la télédétection, c'est-à-dire l'analyse des images spatiales, à ces publics qui sont beaucoup plus opérationnels, qui ont des métiers très concrets, mais qui peuvent bénéficier aussi de l'usage de l'observation de la Terre. Ça, l'analyse des images, hein, c'est vraiment l'un des autres mots-clés qu'on va aborder avec vous. Donc je disais que dans les 10 dernières années, les 12 dernières années, il y a eu une révolution qui s'est produite effectivement dans cette gestion des catastrophes naturelles grâce aux satellites? Oui. Bien, en fait, le CNES et l'Agence spatiale européenne, puisqu'ils sont deux créateurs de la charte internationale, ont eu l'idée, se sont dit, ces systèmes spatiaux d'observation de la Terre, qui ont été conçus justement à des buts scientifiques ou environnementaux, doivent pouvoir être mis à disposition de façon rapide pour pouvoir apporter des informations sur des situations de catastrophe. C'était un peu un challenge, parce que ces systèmes spatiaux n'étaient absolument pas faits pour ça. Notamment, par exemple, on ne pouvait les programmer qu'une seule fois par jour. Il n'y avait pas... Les programmer, c'est-à-dire leur dire, puisque tu vas passer là, profites-en pour prendre ta photo, utiliser tel instrument, regarder telle chose. Exactement. Ouais. Donc, il fallait mettre en place tout un système très opérationnel de programmation en urgence dans les heures qui suivent une catastrophe pour être capable d'aller modifier des programmations commerciales ou autres. Ah oui, parce qu'il y avait des programmations en cours, mais il faut les modifier pour l'urgence prime, quoi. Exactement. Et c'est l'un des objectifs de la charte, c'est d'être capable d'aller utiliser cette constellation virtuelle de satellites mis à disposition par toutes les agences spatiales qui composent la charte de façon très rapide, en l'espace de quelques heures, pour pouvoir aller imager une zone donnée sur laquelle a eu lieu une catastrophe, afin de fournir donc des cartes les plus précises possibles des zones impactées. Alors vous nous avez apporté plein de cartes, on va vous les passer dans quelques instants et puis on va pouvoir les commenter et voir clairement et concrètement quel est l'apport du satellite. Vous avez dit plusieurs agences spatiales, il y en a combien ? Actuellement, il y en a 14. Donc 14 agences spatiales, c'est les plus grandes qui sont là, parmi les plus grandes. Oui, à l'exception, on va dire, de l'Italie, qui n'est pas encore rentrée dans la charte. Toutes les grandes agences spatiales du monde y sont rentrées. Donc les États-Unis, la Russie, le Japon, la Chine, voilà, elles sont toutes là. Et donc ça a été signé en 2000, oui, pour la première fois. Et alors, vous dites une constellation de satellites. Constellation, normalement, c'est par exemple la satellite GPS, ça fait une constellation, c'est-à-dire une sorte de nuage de satellites, si je puis dire, autour de la Terre. Et donc, vous bénéficiez d'une sorte de constellation de satellites d'observation ? Tout à fait. À partir du moment où ce qu'on appelle un utilisateur autorisé, c'est-à-dire une protection civile, où les Nations Unies disent « Je sais qu'il y a eu une catastrophe à un endroit donné, j'ai besoin d'images les plus précises possibles et de façon le plus rapide possible sur la zone », ce sont 25 satellites qui sont mis à disposition par toutes ces agences spatiales qui sont programmables par l'opérateur d'astreinte qui donc, en fonction du type de catastrophe, va aller programmer soit des satellites optiques, soit des satellites radars, soit des satellites à très haute résolution, fournir ces informations utiles aux protections civiles ou aux Nations Unies. Donc, effectivement, pendant la durée de l'activation, c'est la constellation virtuelle de la charte qui fonctionne, puisque un opérateur unique a la main sur tous ces satellites mis à disposition gratuitement. Un opérateur unique a la main sur l'ensemble de ces satellites. Tout à fait. Ces satellites sont mis à disposition des gestionnaires, si je puis dire, de la catastrophe. Tout à fait. Donc, au niveau international, il y a cette notion de solidarité, on va dire, internationale, qui va mettre à disposition ses moyens d'observation pour la zone impactée. Alors, juste un mot quand même. Pourquoi est-ce que c'est le CNES qui a eu cette idée-là avec l'Agence spatiale européenne ? Pourquoi c'est pas... Il y a d'autres agences... On est formidable en France, c'est sûr, mais il y a aussi d'autres agences spatiales qui ont... Par exemple, les États-Unis, pour ne pas les nommer, par exemple. Pourquoi ça vient du coup de France ? Alors, je n'y étais pas à l'époque. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont là dans la salle. Elisabeth, peut-être, Elisabeth, non, j'étais là il y a 10 ans, mais je n'étais pas là. Non, je suis désolée. Elisabeth était là, mais moi, je sais un petit peu, quand même. Non, mais je sais un petit peu. Pascal Luttreger. Alors, Pascal Luttreger, elle ne veut pas parler, mais pourtant, elle a la réponse. Non, vous n'avez pas la réponse, Pascal ? Je pense que c'est une idée qui est arrivée assez naturellement. On avait des systèmes spatiaux performants. Par ailleurs, des besoins. On voyait bien que sur les catastrophes naturelles, à partir du moment où la zone est sinistrée, c'est pas facile d'envoyer d'autres moyens d'évaluation. Hein. Donc c'est une idée qui est venue, je pense, d'un constat en fait de cette possibilité d'exploiter le potentiel des satellites dans ces situations-là. Et puis je pense que c'est des choses qu'on faisait quand même. On a quand même des satellites qui servent aussi à la défense, qui a aussi une utilisation très opérationnelle des moyens spatiaux. Donc je pense que c'est aussi peut-être par nos contacts avec la défense. Et peut-être aussi, je pense que il y a donc tout un tas de missions spatiales qui sont purement scientifiques, et SPOT qui a été pendant longtemps, la famille SPOT a été donc la famille phare qui a été mise à disposition de la charte, et par nature même, SPOT n'était pas simplement destiné à des scientifiques. Donc dès le début de cette mission et de cette famille de satellites, le CNES a beaucoup œuvré pour voir dans un maximum de domaines, que ce soit la forêt, l'agriculture, l'environnement, etc., à quoi donc cette famille de satellites pouvait être utile. Et naturellement, ces situations de catastrophe majeure ont apparu comme un domaine où il y avait probablement quelque chose à apporter. Après, est-ce que c'était vraiment faisable? Ah oui, ça on savait pas. Est-ce que vraiment on allait arriver suffisamment tôt pour apporter des informations utiles? C'est vrai qu'on ne savait pas. Donc, au tout début de la charte, c'était réellement un projet de démonstration et une espèce d'expérimentation opérationnelle, et on n'était pas sûr que ça allait être utile. Alors, pour Haïti, est l'une des activations chartes, comme ça arrive assez régulièrement, où c'est le CNES qui, comme je le disais, a la main sur l'ensemble de cette constellation virtuelle qui est créée grâce à la charte. Pourquoi on était à la manœuvre alors que le tremblement de terre avait lieu si loin? C'est parce que la sécurité civile française... Quand vous dites à la manœuvre, ça veut dire que c'est vous qui programmez les satellites, qui voyez quels sont les besoins, qui déterminez quels satellites opérer, quel satellite... Tout à fait, oui, ouais. Et le tout en étant le plus proche possible de la situation sur le terrain, en faisant des points à peu près tous les 3 heures. Vous êtes à Toulouse, donc comment est-ce que vous savez quelle est la situation sur le terrain? Eh bien, en étant en lien avec la sécurité civile française qui allait envoyer des troupes là-bas, avec les gens des Nations Unies sur place. Ah, vous êtes en lien avec les Nations Unies? Oui. Donc, en l'occurrence, là, la charte avait été déclenchée d'abord par la sécurité civile française, qui, une heure après le tremblement de terre, savait que ça serait l'envoi de troupes le plus important jamais effectué par la protection civile française. Et du coup, ils ont requis l'aide de la charte afin de pouvoir optimiser au mieux le déploiement des troupes sur place. Mais cette activation a été très importante puisque la sécurité civile canadienne et puis deux entités des Nations Unies ont aussi déclenché la charte. Et finalement, donc, notre action CNES, ça a été pendant 15 jours de coordonner l'ensemble des activités au bénéfice donc de toutes ces protections civiles et aussi d'autres protections comme les Allemands ou les Canadiens, etc. Ok, alors on a une carte là devant les yeux avec de très jolis petits triangles rouges auxquels je ne comprends rien. Alors, les triangles rouges, cette carte, c'est pas tout à fait la première qui a été fournie dans le cadre de l'activation charte. Dans un premier temps, ce qui était demandé par la protection civile française et les autres entités, c'était d'avoir une cartographie de l'intensité des dégâts sur Port-au-Prince. Donc la première carte qui a été fournie, ça a été une carte de Port-au-Prince avec trois zones, trois intensités de dégâts, donc des quartiers totalement détruits, des quartiers fortement touchés et des quartiers à peu près indemnes. Donc, alors c'était sur Port-au-Prince en particulier. Alors au début, et c'était trois couleurs différentes. Voilà. Et alors comment est-ce que de l'espace on est capable de déterminer si effectivement un quartier est très détruit ou relativement indemne? Eh bien, en l'occurrence, là, la charte a fonctionné de façon parfaite puisque les Américains ont joué le jeu et on a pu avoir accès à des images de très haute résolution, c'est-à-dire avec un point élémentaire qui faisait 50 cm par 50 cm, donc extrêmement précis. Aussi précis, par exemple, que ce que vous trouvez en termes d'imagerie fournie par IGN sur le géoportail, par exemple. Et donc, par l'analyse de ces images, des interprètes ici en France, situés à Strasbourg, qui font partie de l'université de Strasbourg, ont été capables de dresser des cartographies, donc des bâtiments totalement détruits, des bâtiments partiellement détruits, des aéroports qui étaient encore praticables, des routes praticables ou non, des ponts détruits, etc. Autant d'éléments qui sont indispensables pour un déploiement des secours efficace. Et donc c'est ce type de cartographie qui a été fourni dans un premier temps. Alors ça, c'est une carte qu'on n'a pas là, celle dont on veut vous parler en premier, c'est la carte avec les petits triangles rouges. Voilà, Qu'est-ce que c'est cette carte avec les petits... C'est quoi l'échelle d'abord? Ah oui, on l'a à droite, l'échelle, on voit 2 km. À droite, c'est la barre noire et blanche sur gros, le côté. Voilà, en gros, on a le centre de... On a quasiment la totalité de Port-au-Prince. Et tous ces petits triangles rouges montrent les zones de ce qu'on appelle de rassemblement spontané de la population suite à une catastrophe. Ça arrive très souvent en cas notamment de tremblement de terre. Les gens se réfugient dans des zones qui sont très sûres, des zones sans aucun bâtiment autour, par exemple des stades, des grandes avenues où ils sont sont sûrs que même s'il y a des répliques, ils seront en sécurité. Et ce sont sur ces zones de rassemblement spontané de population que doivent se rendre en priorité les secours. Les secours se rendent là où sont les gens. Donc ça, c'est une carte opérationnelle. C'est ce que vous pouvez envoyer aux Nations Unies et aux sécurités civiles pour leur dire voilà où sont les gens, voilà si vous voulez leur venir en aide, où ils sont. Mais ça, c'est la carte, je dirais, opérationnelle. Mais il y avait des cartes avant celle-là qui vous ont permis de déterminer la présence effective des gens. Parce que là, on est à une échelle où on ne voit pas les gens, finalement. Oui, oui. Mais ce qui est important, si vous voulez, nous, on fournit des cartes qui sont vraiment utiles aux opérationnels. On peut faire éventuellement de la communication technique en allant montrer des détails, les gens, effectivement, sur un stade. Mais ce qui est important pour une protection civile, c'est de savoir que à tel endroit, dans telle rue, dans tel quartier, il y a un rassemblement qui est à peu près de tant de centaines de personnes. À tel autre endroit, il y a un autre rassemblement. De façon à ce qu'ils aillent installer des installations, par exemple, d'assainissement d'eau, des hôpitaux de campagne, et qu'ils puissent se répartir aussi le travail en termes d'optimisation des secours, puisque la zone était tellement énorme que Port-au-Prince et même toute la péninsule d'Haïti a été gérée de façon... les secours à cette échelle ont été gérés par les Nations Unies de façon, on va dire, coordonnée. Les Allemands, par exemple, s'occupaient de telle et telle ville, Carrefour, Léogan. Les Français, par exemple, s'occupaient de certains quartiers de Port-au-Prince et d'une ville qui s'appelle Jacmel, etc. Donc, ce qui est important pour les protections civiles, c'est de savoir où ils doivent se rendre et avec quel niveau d'effort en termes d'infrastructure. OK. Alors, on a une deuxième carte. Vous ne l'avez pas entre les mains, mais vous la connaissez. Excusez-moi. Oui, je vous en prie. Je pense que c'est important de préciser que cette carte-là, donc ça, c'est la toute première qui a été fournie 2 jours après le tremblement de terre. Donc, on avait 65 rassemblements de spontanéité. Là, il y a 65 petits points. Voilà, il y a 65 points. Et ces cartes, elles ont été remises à jour tous les 3 jours à peu près, de façon à suivre l'évolution donc de ces populations, puisqu'il y avait tout un tas de personnes qui arrivaient de hors Port-au-Prince, d'autres villes complètement détruites. Et à la fin de l'activation, 15 jours après, on avait plus de 250 rassemblements comme ça, spontanés de population. Donc on est passé de 65 à 250. Oui, tout à fait. Ouais. Qui ont donné lieu après à des camps qui sont d'ailleurs, pour certains, toujours en place à Haïti. D'accord. On continue à suivre la situation en Haïti. La Croix-Rouge française, par exemple, ou d'autres ONG continuent à suivre la situation sur certains camps de réfugiés et qui sont encore positionnés à ces endroits-là. Alors, on va passer à la deuxième carte. Donc ça, c'est la ville de Carrefour, qui est effectivement une ville qui est au nord, on va dire, au nord-ouest d'Haïti. Ah, il faut dire que Hélène de Boissezon est devenue imbattable en géographie haïtienne. Non, pas tout à fait imbattable, mais je connais bien effectivement la péninsule et toutes les villes qui ont été touchées et que nous avons d'ailleurs progressivement couvertes avec des images, puisqu'on a suivi le long de la faille d'Enriquillo, qui est la faille donc, qui a cédé. On a progressivement imagé l'ensemble de la péninsule, puisqu'il y avait des dégâts finalement sur toute la péninsule, donc jusqu'à Carrefour, Léogan, Jacmel, etc. Et sur cette ville de Carrefour, lors de la réplique qui a eu lieu 2 jours après le tremblement de terre, il y a eu donc une rupture d'un terminal pétrolier et on voit sur la carte une mini marée noire qui est due donc à une rupture. Ah oui, c'est ça qu'on veut que vous regardiez en particulier, c'est l'espèce de langue noire qu'on voit dans l'océan. C'est une marée noire. Et ça, typiquement, aucun acteur sur place n'était conscient de ce type de catastrophe induite. Ça arrive très souvent, l'effet domino en termes de catastrophe naturelle. On l'a vu avec Fukushima, bien sûr. Et puis, une catastrophe peut en entraîner une autre. Donc, notamment, nous, ce qui nous est demandé en termes d'analyse d'images et d'informations géographiques à fournir, c'est en particulier de fournir aussi une cartographie des zones sensibles. Donc, par exemple, s'il y a une inondation ou un tremblement de terre, de savoir où sont les usines chimiques, par exemple, ou les centrales nucléaires, évidemment, ou ce type d'installation qui, potentiellement, peut créer une catastrophe encore plus importante que la première qui est survenue. Donc, les sécurités civiles ont aussi besoin de ce genre d'informations. Ok, comme ça, ça vous permet vraiment de montrer où est la marée noire et puis peut-être de déterminer son importance aussi, en voyant son étendue, ce genre de choses. En tout cas, d'être conscient qu'il y a ce phénomène à cet endroit-là et que, en plus de tous les mécanismes de secours aux personnes à mettre en place, il y a aussi à surveiller ce phénomène environnemental, mais clairement qui passait en seconde priorité en Haïti par rapport à ce qui se passait au niveau des personnes. Alors on a encore plein de questions à vous poser, bien sûr, mais enfin, on va peut-être passer à Cécile Vignol. Cécile Vignol, donc vous êtes la femme de la télé-épidémie, épidémiologie plutôt, télé-épidémiologie. Donc effectivement, le spatial peut apporter quelque chose dans le domaine du suivi des maladies, de leur gestion, de leur prévention. C'est vrai que spontanément, intuitivement, j'aurais pas dit ça, vous voyez, des maladies. Pas toutes les maladies. Hein. Pas toutes, d'accord. Certaines maladies. Ouais. Alors en fait, la télé-épidémiologie, ça consiste à étudier les relations entre le climat, l'environnement et la santé. Alors pourquoi l'environnement ? Parce que certaines maladies, qu'on appelle les maladies infectieuses, qui peuvent être liées donc à l'eau, à l'air ou à certains vecteurs, sont... Un vecteur, c'est un moustique. Un vecteur, moustique. C'est un petit moustique, c'est un rongeur, c'est un rat, un chien, un rat. Ouais, bon. Oui, des animaux. Des animaux, en général. Et donc, certaines de ces maladies sont liées à un changement, on va dire, dans l'environnement et dans le climat ou dans la météorologie. Et donc, en fait, les données issues de l'observation de la Terre, bien évidemment, ne détectent pas ce qu'on appelle les agents pathogènes, hein, que sont les virus, les bactéries, les parasites. On ne peut pas les voir depuis l'espace, dommage. Non, ça, on ne peut pas les voir. Par contre, ce qu'on va essayer d'appréhender, ce sont les environnements qui sont favorables au développement des vecteurs de ces maladies. Donc, en principe, typiquement, si je prends un exemple, donc une maladie que tout le monde connaît, qui est le paludisme, qui est la première maladie parasitaire au monde, hein, qui cause aujourd'hui à peu près... La première maladie parasitaire au monde, parasitaire, non, c'est énorme. Oui. Jusqu'en 2010, on estime qu'elle tue à peu près 1 million d'êtres humains par an, essentiellement dans les pays en voie de développement. Et donc, c'est une maladie qui est due à un moustique, qu'on appelle l'anophèle, et ce moustique ne peut se développer que s'il y a des zones anneaux. Et en général, ces zones en eau. Des zones en eau. Oui, ouais, voilà. Des mares, des puits, des bassins, des flaques. Ah ouais. Voilà. Et donc, ça, c'est en général, ces zones en eau peuvent d'une manière directe ou indirecte être accessibles par l'analyse d'images satellitaires. On peut déterminer leur présence, on peut les cartographier, ces zones en eau. Voilà, exactement. D'accord. Et donc, après, associé à des modèles, par exemple, hydrologiques, pour avoir leur dynamique, et associé à des modèles... Attendez, avoir la dynamique de quoi ? Des zones en eau. Des zones en eau, d'accord. Voilà, ouais, donc, général, savoir si elles vont s'étendre, si elles vont rapetisser, exactement. Si elles vont disparaître même, parce qu'on est souvent dans des pays chauds, avec des saisons des pluies. Exactement. En général, ces zones en eau, elles sont rythmées par la distribution spatio-temporelle des pluies. Ouais. Souvent, elles sont régies par les moussons. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle le battement de ces zones en eau qui va faire qu'on va avoir ce qu'on appelle l'explosion des moustiques. Et donc, le risque potentiel d'avoir la maladie. Alors, vous aussi, il faut que vous vous entouriez d'experts, parce que c'est une aventure qui a commencé il y a une dizaine d'années, c'est ça ? Oui, vers les fin des années 90. Fin des années 90, donc il se passe plein de choses. Oui. On veut lancer la charte internationale, et puis on veut se dire, est-ce que les satellites pourraient pas aider à gérer au mieux les épidémies ? Oui, alors au CNES... À réduire leur nombre, oui. Mais au CNES, il y a des médecins, mais enfin, ils s'occupent plutôt des astronautes, enfin des exactement. Spationautes. Donc au CNES, l'idée part d'un docteur qui s'appelle docteur Antonio Guell, qui s'occupait donc d'un service qui s'appelait le service application et valorisation. Lui, à l'origine, il rentre au CNES pour s'occuper effectivement des astronautes, pour faire ce qu'on appelle de la médecine spatiale. Et c'est un neurologue. Et un jour, on lui dit, mais tiens, puisque t'es médecin, en fait... On ne peut pas faire des choses avec les images sur les maladies puisqu'elles sont liées à l'environnement. L'environnement, ça, c'est quelque chose qui est accessible. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose ? Donc voilà, il a commencé à s'entourer d'experts, de médecins, de spécialistes en environnement, évidemment de spécialistes en télédétection. Et ils ont commencé à phosphorer en se demandant s'il n'y aurait pas moyen de développer quelque chose sur ce sujet. Alors, il y a plusieurs étapes là, pour arriver à effectivement gérer au mieux une épidémie, la prévenir, etc. D'abord, il faut connaître la maladie elle-même, je suppose, non ? Oui, alors ça, c'est la première étape donc, du concept qui a été développé par le CNES et ses partenaires. Alors, c'est une étape très importante, dans laquelle, au départ, il n'y a pas du tout de spatial. L'idée, c'est effectivement de bien comprendre le mécanisme de la maladie. Donc ça, effectivement, il faut des spécialistes en général en biologie. Mais ça, on sait déjà tout sur le paludisme, on sait comment ça marche. Oui, alors donc on ça, sait... Ça doit aller vite, non? Pas forcément, parce que ces maladies, elles ont beaucoup été étudiées du point de vue justement médical, comment le parasite ou l'agent pathogène se développe dans notre organisme, comment il résiste éventuellement à certains traitements médicaux. Tout ça, on le connaît assez bien, encore que. Mais par contre, ces maladies, par ces médecins, elles n'étaient pas forcément étudiées sous l'œil de l'environnement et en se disant que peut-être le spatial pourrait apporter quelque chose. Donc c'est cette dimension-là, en fait. Parce que si on reprend l'exemple du paludisme, il faut absolument connaître quel est le cycle larvaire, quand est-ce que sortent les adultes moustiques, quand est-ce qu'on risque d'être piqué, ce genre de choses-là. Quel est le lien entre le fait que je vais être piqué et puis la météo, l'environnement, etc., c'est ça ? Exactement. En général, sur ces maladies infectieuses, il y a toujours trois acteurs. Il y a ce qu'on appelle le vecteur, c'est-à-dire la petite bête qui transmet l'agent pathogène, le virus, la bactérie. Et puis il y a bien sûr ce qu'on appelle l'hôte, c'est-à-dire celui qui va être piqué. Donc en l'occurrence pour le paludisme, puisque vous l'avez cité, c'est l'homme, hein, puisque la plupart des anopheles, hein, le moustique responsable de cette maladie, c'est un moustique qui préfère piquer l'homme. Hein. Il peut éventuellement piquer l'homme animaux. Plus que d'autres animaux. Oui. Ah oui, on a une peau fine, on a le sang bien chaud, bien. Voilà. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Voilà. Je déteste les moustiques. Voilà. Et donc effectivement, on a appris plein de choses. Non, mais c'était pour rire tout à l'heure. Je vous provoquais un petit peu en disant cette première étape, ça va aller vite, parce qu'en réalité, vous l'avez très bien dit, il y avait plein de choses à apprendre, et donc on a appris des choses nouvelles sur plein d'animaux et sur la manière dont les maladies se développaient, si je puis comment, dire. Pourquoi le moustique il va pondre dans tel eau? Alors, est-ce qu'on peut prendre un exemple? Je ne sais pas, votre anophèle ou un autre. Typiquement, je vais prendre une autre maladie qui est la fièvre de la vallée du Rift. C'est une maladie qui est transmise aussi par des moustiques. Alors elle se transmet essentiellement aux animaux domestiques, dans les pays en voie de développement, essentiellement sur le continent africain. Donc pas tellement à l'homme, mais plutôt aux animaux. Ouais. Mais elle peut se transmettre à l'homme aussi, mais bon, essentiellement, elle pique des animaux. En ayant donc du coup de graves conséquences économiques pour ces pays en voie de développement, puisque effectivement... On va y revenir hein, sur la fièvre de la maladie, mais sur ce moustique-là, ben alors, qu'est-ce qu'on apprend par exemple ? Ce moustique, typiquement, il y a deux moustiques qui sont responsables de cette maladie, essentiellement dans la zone au Sénégal qu'on a étudiée, et donc il y a besoin de mares, hein, toujours pareil, mais par exemple, on s'est aperçu qu'il y avait un des deux moustiques qui préférait les mares qui avaient de la végétation dessus. Donc la question a été, est-ce que premièrement on s'est la végétation, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un couvert végétal des même plus des que ça, arbres, il faut qu'il y ait de la végétation aquatique dessus. Ah, de la végétation aquatique dans l'eau. Voilà, ce moustique a la particularité d'être nocturne. C'est-à-dire qu'il vit la nuit, il sort la nuit. Il pique surtout la nuit. Ah, il pique la nuit, oui. Voilà, et donc en fait, le jour, en fait, il craint un peu la chaleur, il craint le soleil, et donc il va chercher protection près des végétaux. Il est délicat, notre moustique. Voilà, il est délicat. Et donc, en fait, on s'est aperçu que, donc, premièrement, il fallait savoir, est-ce qu'on peut détecter les mares? Mais en plus, est-ce qu'on peut détecter celles qui ont de la végétation ou celles qui n'en ont pas? Ah oui, parce que est-ce le risque qu'il y a des roseaux, sera est-ce qu'il y a des lentilles d'eau, etc.? Voilà. Ça, c'est important, ouais. Et donc, ça, le risque ne sera pas le même. On s'est aperçu en étudiant ces deux moustiques qu'ils n'avaient pas du tout la même façon de produire et de pondre des œufs. Il y en a un qui pond les œufs au bord de la mare, et il faut attendre que ces œufs soient immergés, c'est-à-dire qu'il faut que le niveau de la mare monte. Donc que les pluies arrivent pour que les œufs éclosent, alors que l'autre, il attend que les mares soient bien pleines et il va pondre au milieu de l'eau. Donc le premier moustique arrive plutôt en début de saison des pluies et le deuxième arrive quand la saison des pluies est bien installée et que les mares sont pleines. Donc du coup, le risque n'est pas le même. Et on va avoir un risque pour un moustique plutôt en début de saison, éventuellement en fin de saison quand les mares commencent à s'assécher et qu'il y a de nouveau une pluie. Et puis on a un risque au milieu avec un autre moustique. Oui, parce que là, ce que vous essayez de déterminer, c'est quand est-ce que les moustiques vont sortir? Quand est-ce qu'on risque d'être piqué? C'est où et quand? Ah oui, où et quand? Alors, est-ce qu'on peut regarder, parce qu'on va reprendre toute notre démonstration, mais il y a une carte là quand même qui est tout à fait parlante, c'est sur c'est le sur paludisme Dakar. Ou sur la fièvre Non, c'est sur le paludisme à Dakar. Le paludisme à Dakar. Ok, on va le regarder dans quelques instants. Elle est vraiment très, très parlante. Elle est jolie. Oui, elle est très jolie en plus. Donc, on voit bien que vous avez besoin de bien comprendre l'environnement, la relation entre la maladie, l'environnement, les vecteurs, etc. Quand est-ce que les vecteurs, finalement, vont sortir et vont venir nous... Exactement. Alors, pour donner un exemple à quel point c'est important de comprendre les mécanismes, sur cette première maladie qui est la fièvre de la vallée du Rift, là, dont on vient de parler, il y avait déjà des études qui avaient été menées en Afrique de l'Est et où on avait trouvé, en fait, grâce déjà à l'analyse d'imagerie satellitaire, On calcule ce qu'on appelle un indicateur sur la végétation, donc qu'on appelle le NDVI, qu'on calcule avec des images d'observation de la Terre, et qui est ce qu'on appelle un proxy, c'est-à-dire qui est lié à la pluie qui est tombée. Donc en fait, on s'est aperçu que quand il y avait, par rapport à une moyenne, ce qu'on appelle une normale, il y avait ce qu'on appelle des anomalies de cet indicateur, ça veut dire qu'il avait plu, et donc qu'il y avait un fort risque de voir apparaître cette maladie, de voir apparaître les vecteurs, donc cette maladie. De quelle maladie vous parlez en particulier ? La fièvre de la vallée du Rift. Toujours, ouais, d'accord. Et donc quand on a voulu reproduire ce schéma, qui paraissait très simple, hein, quand on a voulu la reproduire en Afrique de l'Ouest, sur notre zone d'étude, ça marchait pas. Quand on voit... ce qui est valable, un indicateur qui est valable sur une zone n'est plus valable sur une autre. Non, parce qu'en fait, il y avait un petit facteur lié à la biologie du moustique qui avait été oublié, enfin, qui ne marchait pas exactement comme ça sur l'Afrique de l'Est. C'est que nos deux moustiques, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils ont une petite particularité, c'est que pour se développer, on a dit qu'ils ont besoin d'eau, il faut que les mares se remplissent, mais par contre, ils ont aussi besoin, pour que ce qu'on appelle l'embryogenèse se fasse, ils ont besoin d'une période de temps sec. Et cette période... ouais, ils sont bien compliqués. Et ils sont compliqués, mais justement, donc, ce qui est paradoxal, c'est que si on a beaucoup de pluie, c'est finalement pas si défavorable que ça, ou pas si favorable que ça au développement du moustique. Donc on s'est aperçu qu'il fallait respecter ce temps. Donc ça aussi, on l'a pris en compte dans la modélisation. On a regardé pendant combien de temps il y avait des jours secs. Et ça, c'était favorable au développement du moustique. Ce qui est étonnant avec ce que vous dites, c'est que il y a, c'est toujours une même maladie. Et finalement, on croit l'avoir comprise et avoir compris la manière dont elle allait se développer, etc. Parce qu'on a étudié sur une zone, mais sur une autre zone, c'est toujours la même maladie. Mais il va falloir raffiner et on va apprendre des nouvelles choses. Donc c'est très compliqué votre métier finalement, parce que ça dépend. Donc en fonction de la maladie, de la zone, etc., il va falloir... il faut s'adapter. Hein. Il va falloir adapter les modèles, adapter les raisonnements, etc. Exactement. L'approche est toujours même. Vous faites de la dentelle. Un petit peu. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, on va regarder cette carte-là, qui est tout à fait étonnante, avec cette espèce de, je sais pas comment dire, cette espèce de béance rouge, cette espèce de blessure, là, blanche et rouge au milieu. Ça saigne et que ça purule en même temps. Non, les zones en blanc, ce sont les zones masquées. Donc, c'est des zones sur lesquelles on n'a pas d'informations, mais parce qu'on n'en a pas besoin. La grande zone en haut à gauche, c'est l'aéroport. La grande zone, quelle zone ? En haut à gauche, toute blanche, c'est l'aéroport. Ah oui, la zone en haut à gauche, c'est toute blanche, c'est l'aéroport. On n'a pas de données là. Voilà. Et l'autre tache blanche au milieu, c'est une zone de marécage. Alors, vous allez dire, pourtant, ça devrait nous intéresser. Ben oui. Donc, on voit bien d'ailleurs que tout autour du marécage, c'est rouge. Hein. Donc, si c'est rouge, on a respecté des codes classiques. Quand on vous montre du rouge, en général, ça veut dire danger. Hein. Ouais. Donc là, ça veut dire que vous avez un fort risque d'avoir ce qu'on appelle donc les anopheles. Donc là, on est sur le paludisme. Donc je rappelle que c'est l'anophèle, le vecteur qui est responsable. Et là, la carte, en fait, elle représente ce qu'on a, vous avez marqué en bas, qui est HBR. Ça veut dire HBR. Oui, c'est le Human Bite Rate. Ça veut dire le nombre de piqûres par homme et par nuit. Puisque là le aussi, nombre de piqûres par homme et par nuit, d'accord. Il pique la nuit. Alors, j'entends un murmure dans la salle. Qu'est-ce qui vous fait réagir comme ça? C'est le chiffre, justement. Ah oui, je suppose, ouais, d'accord. Il est théorique, mais... Alors, c'est quoi ce chiffre? 350 piqûres par homme et par nuit. Donc, dans ces zones-là, là, vous êtes capable. Ça peut. On est là. À quelle date, alors? On est au 22 septembre. C'est une prévision pour le 22 septembre, c'est oui, ça? Oui. On ne sait pas à c'est quelle le cœur date de la saison des pluies. On ne sait pas à quelle date est produite la carte, hein. Mais la précision, c'est pour le 22 septembre. Donc, on est capable de faire de la prévision. On est capable de dire, au 22 septembre 2009, vous qui habitez autour des marais. Vous allez être beaucoup piqué. Ah oui, et quand je dis beaucoup, c'est pas qu'un peu, c'est alors, ce qu'il faut bien 350. Comprendre. Alors c'est du donc 350. Donc ça c'est une carte de risque. En fait, grosso modo, c'est si je vais tout nu dans la nuit et que je reste toute la nuit, je serai... Et vous y allez pas, a priori. Non, je n'y irai pas, je vais vite comprendre mon malheur, mais je serai piqué 350 fois. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une prédiction théorique. Mais effectivement, ça, ces cartes, elles ont été validées avec des données de terrain. Et sur les données de terrain, effectivement, on a dépassé les 250 piqûres par nuit. Alors, je dis comment on fait pour savoir ça. Donc, ce qu'il faut savoir... Oui, parce que je vous ai laissé tout à l'heure avec... On essayait de comprendre la maladie. Et là, on arrive à la carte à la fin. Hein, la carte à la fin. Vous êtes à la fin capable de déterminer le HBR, le Human Bite Rate. Donc, ça, c'est le résultat quand même de trois étapes. Donc, avant d'avoir cette carte finale, vous en avez deux autres étapes. Vous avez une première carte qui prédit les zones anneaux, les fameuses zones anneaux dont on a besoin. D'accord. Et ces cartes, pour prédire les zones anneaux, elles sont liées à des indicateurs qui sont liés du spatial. Oui, elle est complètement spatiale. Hein, en sachant qu'effectivement, toutes les zones en urbain sont des zones dites défavorables au développement des zones anneaux. Et donc, si je vous dis que le sud de Dakar est une zone hautement urbanisée, ben, vous voyez, ce n'est pas un hasard, il y a moins de risques. Alors, attendez, c'est où le sud de Dakar? Ah, c'est tout en bas, là, tout voilà, en bas, c'est la péninsule. Oui, il n'y a pas beaucoup de rouge. Voilà, la physique est têtue et l'eau, elle a du mal à rester sur les zones en béton. Voilà, c'est ça. Donc en bas, là, de la carte, il y a du béton et donc pas beaucoup de flaques et pas beaucoup, beaucoup de zones en eau. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça a été de déterminer si ces zones en eau étaient susceptibles d'être propices au développement des larves. Parce que, donc, je vous ai expliqué, toutes les mares ne sont pas susceptibles de développer des larves, puisqu'il faut qu'elles restent suffisamment longtemps, hein, qu'elles soient pérennes. Donc une petite flaque en eau dans laquelle les voitures vont passer tous les jours et qui va s'assécher relativement rapidement ne va pas être propice au développement. Mais vous êtes capable de déterminer que cette flaque-là, vous êtes capable de déterminer qu'il y a des voitures qui passent sur cette flaque-là? Non. Pas des voitures. Vous êtes capable de quoi, alors? Non. On est capable de déterminer autour de la zone en eau des paramètres environnementaux qui sont favorables ou pas justement à la pérennité de ces zones en eau. On va utiliser notamment des facteurs qui sont liés à la pluie, bien sûr, la pluie qui précède dans les jours qui précèdent à la date où on veut l'information. Ça, évidemment, on a des satellites météo en particulier. Alors, donc là, nous, on n'a pas utilisé des satellites. Alors, on peut utiliser soit des stations sol, oui. Rien à voir avec l'espace. On peut aussi utiliser des données météo, des données issues du spatial. Donc, vous avez des satellites comme TRIM. TRIM, TRI2M, c'est ça? TR2M, il n'y a pas de I. TR2M, d'accord. Voilà, qui donne tous les jours des données sur la pluie estimée. Ça, c'est un satellite radar. C'est un satellite qui combine du radar et du micro-ondes, qui est une opération américano-japonaise. Donc avec ça, on connaît la pluie. Ensuite, il y a des satellites qui sont capables de déterminer, notamment Spot, si je me trompe pas. Oui, alors après, effectivement, là, on a utilisé les images de Spot 5, du satellite Spot 5, pour justement calculer un certain nombre d'indicateurs, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, donc des indicateurs qui donnent une information sur l'humidité des sols. L'humidité des sols, on est capable de la déterminer avec des satellites, oui. Oui, aussi. Et puis surtout, là, ce qu'on appelle on a fait une carte d'occupation du sol, donc on a été capable d'identifier toutes les zones d'urbain. Oui, les zones urbaines où il n'y a pas de toute façon de risque. Où il y a moins de risque, voilà. Voilà, donc ce qu'on appelle un facteur protecteur. D'accord. Alors, il y a d'autres étapes ensuite. Et ensuite, la troisième étape, c'est de calculer, de passer de cette... Donc là, je suis capable de dire, non seulement je sais où sont mes zones en eau, mais je suis capable de déterminer quelles sont les zones en eau éventuellement dangereuses, parce que justement, elles montent quand il faut, elles descendent quand il faut, et surtout, je suis donc capable de dire, celle-là, zone en eau, elle est plus favorable à voir développer les larves. Et après, il faut que je passe des larves aux adultes, parce que les larves, à la limite, c'est pas très dangereux, ça pique pas. Les larves, je m'en fiche, voilà, ça pique pas. Le problème, c'est, est-ce que ces larves vont devenir des adultes? Voilà. Et donc là, on réutilise ce qu'on appelle, donc là, on utilise un proxy, c'est-à-dire une fois qu'on a la quantité de larves dans les mares, on passe à une quantité d'adultes. Et là, il y a aussi un paramètre issu de la télédétection qui a joué, c'est de nouveau le paramètre urbain, puisque là, plus vous avez... Le paramètre quoi ? Urbain. Urbain, oui, oui. La classe urbain, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le moustique n'a pas quand même des capacités de vol indéfinies. Bah oui, donc il est en train de piquer autour du marécage, voilà, mais enfin, il vole pas très loin. Il est un peu feignant. Hein, un peu feignant. Il va piquer, dès qu'il trouve un être humain, il va piquer sur celui-là, il va pas aller voir plus loin. Il va s'acharner. Et donc, en fait, le principe est le suivant, plus vous avez d'urbain, plus vous avez de population. Et donc, le moustique n'ayant la capacité quand même pas de piquer X fois, plus vous avez de monde, moins vous avez de chances d'être piqué. D'accord, d'accord. Donc, alors, comment est-ce qu'on est capable de déterminer qu'effectivement, là, dans cette mare-là, où il y a toutes les chances d'avoir des larves, c'est là que les adultes vont effectivement éclore, bon, alors si ça, je puis dire. Là, il y a des modèles entomologistes et des modèles biologiques qui rentrent en jeu. Hein. Et puis, on a beaucoup de données in situ. Donc, il y a beaucoup de données in situ. Donc là, en fait, ce résultat que vous avez là, c'est le résultat d'une statistique, en fait, entre des données in situ qui ont mesuré, combien il y avait d'adultes, combien il y avait de larves, et qui a essayé de faire la relation avec ces facteurs environnementaux issus de la télédétection. Donc, on voit que c'est de très nombreuses étapes. Donc, c'est pas juste je prends une image et puis je la fournis aux utilisateurs finaux qui vont en faire ce qu'ils veulent. Non, les utilisateurs finaux, c'est pas des gens du spatial. Ils sont pas capables de... leur métier, c'est pas d'interpréter des images. C'est à vous d'interpréter les images. Et ça se fait à travers de multiples étapes pour arriver à la fin à cette carte-là qui est très parlante, là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, là? Quelqu'un sur le terrain, qu'est-ce qu'il peut faire avec une carte comme celle-là? Juste avant de répondre à votre question, c'est justement toute la différence entre les utilisateurs finaux, qui, en l'occurrence, pour nous, sont les autorités de santé, qui, eux, ne veulent pas de la donnée, mais veulent une information. Ça, c'est le résultat d'une information, c'est un service. Ça leur dit où il y a un risque. Exactement comme tout à l'heure pour la charte, ça va leur dire où il faut agir. Donc, comment on peut agir sur ça, donc avec ce genre de cartes? Ben, si vous avez les premières cartes, dont je vous ai parlé, les cartes larvaires, ça permet aux équipes responsables de la démoustication de dire « je vais aller démoustiquer plutôt telle zone en eau que telle autre ». ah oui, donc là, il y a une carte intermédiaire là où je sais où j'ai le plus de chances de trouver les larves. Et là, déjà, je peux agir, moi, en prévention pour aller mettre un peu de... C'est pas du DDT, mais qu'est-ce qu'on va faire? Oui, à l'époque, c'était du DDT. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on utilise? Mais il y a des insecticides, mais bon, effectivement, ces zones anneaux, il faut regarder si elles sont pour la... Si les êtres humains ou les animaux viennent y boire, on va peut-être pas y mettre du DDT. C'est peut-être pas très bon. Donc aujourd'hui, il existe des techniques qu'on appelle les bactéricides. Donc il existe des petites bactéries que l'on peut pulvériser, comme vous pulvérisez vos insecticides sur vos rosiers. Vous pouvez mettre dans l'eau ces petites bactéries, et elles ont cette particularité que quand les larves de moustiques les mangent, elles meurent. Pas les bactéries, mais les larves. D'accord. Voilà. Et elles sont complètement inoffensives pour l'être humain, ou pour les animaux qui viennent boire. Et si on prend la dernière étape, donc la carte des adultes, des moustiques adultes que vous avez sous les yeux... Ouais, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors là, on peut en faire. On peut faire de l'information auprès du public. Ouais. Donc leur dire que tous les moyens de protection qu'ils connaissent, il faut les utiliser. Ça veut dire mettre des répulsifs, utiliser les moustiquaires à la nuit, puisque... Donc on peut lancer une alerte à Dakar, voilà, dans les prochains jours, là, de temps à temps, mettez vos moustiquaires, gardez vos moustiquaires, exactement. Attention... Les moustiques sont de sortie. Voilà, exactement. Ça peut être, s'il existait un vaccin, mettre en place une campagne de vaccination. Bon, pour le paludisme, il n'y en a pas. Il n'y a pas de vaccin encore. Ouais. Non, il n'y a pas encore de vaccin. C'est une maladie très compliquée parce qu'il y a beaucoup de parasites et il y a beaucoup de formes, en fait, de paludisme. Absolument. Alors, vous m'avez dit que chez les moustiques, c'était les femelles qui piquaient et pas les mâles. Je savais que vous allez me poser cette question. Oui, c'est les femelles, c'est comme ça. D'accord, c'est la vie, ça arrive. Est-ce qu'on n'est pas capable, depuis l'espace, de déterminer s'il y a plus de femelles ou de mâles, et on n'est pas capable de les suivre? Non, on n'est pas capable. Mais à partir du moment où il y a les mâles et les femelles, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Eh oui, absolument. D'accord, je vois ce que vous voulez dire. Le moustique pique. Il pique au cou, il pique au bec, il pique chaque anana ou mec. Le moustique pique. Le moustique pique. Il croide, il pique à niquer le blanc bec, il se croit viril parce qu'il répète un moustique pique. C'est pas l'acupuncture. L'acupuncture, c'est pour guérir, et le moustique, c'est pour le martyr. D'ailleurs, ça me gratte. C'est pas, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est pas l'acupuncture. L'acupuncture, je l'ai déjà dit tout à l'heure aussi. Alors, je vais conclure. Y'a que deux mecs que le moustique pique pas. Y'a que deux types que le moustique pique pas. C'est le porc qui pique, et le porc qui pique. Le porc qui pique, et le porc qui pique, et pique. Merci Michel. Alors c'est peut-être le moment de prendre quelques questions, quelques interventions. Je vous passe le micro et puis vous pouvez directement discuter avec Cécile Vignol et Hélène de Boissezon. N'hésitez pas, monsieur. Et bonjour. Je vous pose une question parce que là on a parlé uniquement des moustiques, on a parlé uniquement des tremblements de terre. Mais les catastrophes, il y en a beaucoup d'autres. Et j'en ai noté une petite liste de catastrophes qui sont gérables par le spatial. Par exemple, les éruptions volcaniques, les inondations, les marées noires, les cyclones, même si on est à la limite du météorologique, les sécheresses, les incendies. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu toutes ces autres applications qui montrent que finalement il y a énormément d'autres possibilités de gestion des catastrophes naturelles ou artificielles d'ailleurs à partir du spatial? Les météorites, rajoute monsieur, c'est vrai. Alors effectivement, la charte internationale permet d'apporter donc des éléments pour la plupart des catastrophes que vous avez citées. À l'exception des sécheresses, puisque la charte ne traite que d'événements à évolution très rapide, d'événements soudains qui ne sont pas prévisibles. Et donc typiquement les catastrophes donc de sécheresse, comment appeler ça, un problème donc oui, enfin désertification. Parlez bien au micro. Oui, donc ne sont pas éligibles à la charte, puisque il faut bien avoir en tête que par le mécanisme de la charte internationale, les agences spatiales mettent à disposition pendant un temps relativement court, pendant ce qu'on appelle la phase de réponse à l'urgence, tous leurs moyens spatiaux adaptés. Donc ces périodes ne peuvent pas s'étaler pendant des mois et des mois. Par exemple, nous, si on parle du côté CNES, nous achetons des images satellites à Astrium pour les mettre à disposition gratuitement dans le cadre charte. Et on demande, dans le contrat qu'on a passé avec Astrium, on demande à Astrium de casser complètement ses programmations commerciales sur les zones impactées pendant la durée de réponse à l'urgence. Donc la charte internationale ne peut s'appliquer que pendant une période relativement courte. Et effectivement, par contre, sur toutes les autres catastrophes que vous citez, c'est-à-dire éruptions volcaniques, glissements de terrain majeurs, inondations, que ce soit des inondations éclairs ou des inondations à dynamique relativement lente, tout ça est sujet effectivement à des activations chartes. Et nous, tsunami, un feu de forêt. Tout à fait. Ouais, tout ce qui arrive de façon un peu brutale. Voilà. D'ailleurs, il y a à peu près plus de 60% des activations chartes qui traitent d'événements météorologiques, c'est-à-dire inondations, cyclones, ouragans, etc. Ça, c'est 60% de l'ensemble des activations chartes. Voilà. Il y a à peu près entre 15 et 20% qui sont des phénomènes géophysiques, donc éruptions volcaniques, tremblements de terre, glissements de terrain, etc. Et puis, à peu près 10% qui sont des feux de forêt, donc dans tous les pays, notamment méditerranéens, ou en Australie, ou des choses comme ça, ou aux États-Unis. Et puis, il y a des accidents technologiques, mais donc qui ne sont pas prévisibles, type marée noire, qui sont aussi éligibles. Donc, la plupart, effectivement, des événements que vous avez listés donnent lieu à des activations chartes, et à chaque fois donnent lieu à une programmation de satellites spécifiques. On ne va pas programmer les mêmes satellites s'il s'agit d'un feu de forêt, d'un tremblement de terre, d'une inondation, etc. On ne cherche pas la même chose à chaque fois. Non, tout à fait. Et puis surtout... Ouais. Je ne peux pas donner la même information. Voilà, on a besoin d'une mesure physique, on va dire, avec un instrument qui n'est pas le même. Si on a besoin d'aller observer des zones inondées, des zones qui sont parfois encore couvertes de nuages, et où là, on a besoin de satellites radars qui peuvent passer à travers les nuages. Dans un ouragan, évidemment, y a beaucoup de nuages encore, beaucoup de mauvais temps. Voilà. Et donc là, vous avez besoin de percer les nuages. Et là, les satellites optiques dont on a parlé, les spots, par exemple, ne sont pas opérationnels. Voilà, donc très souvent, en fait, pour ce genre de phénomène, on commence par programmer en urgence des satellites radars, mais on programme aussi de l'optique. Oui, parce que les radars sont, eux, capables de percer les nuages. Oui, mais par contre, l'information qu'ils fournissent est quand même plus difficile à interpréter. On sera capable, par exemple, d'aller voir des zones qui sont complètement submergées, des zones qui sont très imbibées d'eau, mais on ne va pas avoir la précision en termes de géométrie, de finesse de l'information qu'on va avoir sur des images optiques. Donc très souvent, on combine les deux, mais la première image utilisable va être une image radar qu'on interprète au mieux, mais qui est ensuite raffinée par des observations optiques. D'autres interventions ? Les problèmes sur des cultures avec par exemple les criquets ou les insectes qui attaquaient les plantes et qu'on arrive peut-être en infrarouge, je crois d'ailleurs notamment, à détecter dans quel état sont des cultures s'il y a eu un vol de sauterelles qui s'est abattu sur une zone cultivée. Alors est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus ou est-ce que c'est un autre domaine par rapport à ce que vous faites ? Alors, c'est effectivement un sujet qui sur lequel la télédétection et l'imagerie satellite peut apporter des informations, mais ce n'est pas éligible à la charte puisqu'il s'agit de problèmes de sécurité alimentaire et ce n'est pas considéré comme une catastrophe majeure parce que la charte n'est déclenchable que pour ce qu'on appelle les catastrophes majeures de très grande ampleur. Et il nous est arrivé, je crois qu'une seule fois, une activation a été acceptée sur un problème de ce type-là. parce qu'il était effectivement d'une ampleur absolument énorme. Je ne sais plus sur quel pays d'Afrique c'était, mais ça reste vraiment exceptionnel. Les événements qui sont éligibles, comme je l'ai dit, ce sont tous ces phénomènes, inondations, etc. Ces problèmes-là, ils sont traités beaucoup par la FAO, notamment, qui a des équipes spécialisées qui utilisent... C'est le Fonds pour l'agriculture des Nations Unies. Oui, voilà, tout à fait. Et donc, il y a des équipes spécialisées, mais la charte ne traite pas ce genre de problème. Par contre, nous répondons assez souvent à des problèmes soulevés par le FAO, mais qui sont consécutifs à une tempête, un ouragan, pour alimenter effectivement ces équipes-là des Nations Unies. Alors, je vous passe le micro. Attends, juste une seconde. Allez-y, qu'on vous entende. Je me demandais, ce qui permet de rendre éligible un événement, c'est son ampleur ou le côté soudain ou imprévisible, ou les deux ? Alors, c'est un peu les deux, et c'est surtout, ça c'est une chose peut-être que je n'ai pas expliqué, c'est surtout ce que les utilisateurs qui sont les seuls autorisés à déclencher la charte estiment être événement majeur. Et c'est très important d'avoir en tête que ce ne sont pas les agences spatiales qui décident « Tiens, cet événement semble important, je vais acquérir des images ». Non. C'est pas votre compétence. Voilà. La charte n'est déclenchée que par ce qu'on appelle des utilisateurs autorisés. Par exemple, en France, il y en a un seul au niveau français qui a été nommé par le Premier ministre. C'est le Centre opérationnel de gestion interministérielle de crise, c'est-à-dire en gros l'entité de protection civile française qui est d'astreinte en H24 et qui est là pour... H24, il y a 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, qui est la seule entité française autorisée à déclencher la charte. Il y a l'équivalent dans chaque pays membre de la charte et il y a l'équivalent dans deux entités des Nations Unies dont la FAO ne fait pas partie, hein. C'est l'UNOSA et l'UNOCHA, donc il y a deux entités des Nations Unies qui sont autorisées à déclencher la charte. Ce sont donc ces utilisateurs autorisés qui sont seuls, à qui on fait confiance et qui décident si un événement est ou non un événement majeur pour le pays concerné, pour la région du monde concernée, et qui, eux, appuient sur le bouton charte. Voilà. Donc, majeur, c'est l'autorité qui a le droit d'utiliser la charte, qui le décide, et on fait confiance à cette entité. Ils savent, lorsqu'ils appuient sur le bouton charte, ils savent tout ce que ça implique, c'est-à-dire cette constellation de 25 satellites qui est mis en œuvre pour répondre à leurs besoins au niveau mondial. Donc, ils mesurent, eux, l'importance des dégâts et si oui ou non, ça mérite cette mobilisation internationale, en fait. Bonsoir. Dès l'instant où l'utilisateur autorisé a appuyé sur le bouton. Quel est le délai de mise en route de vos manœuvres et accessoirement, quel est le coût? Alors, le délai de mise en œuvre. Lorsque un utilisateur autorisé déclenche la charte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il envoie à la fois un mail, un fax et éventuellement même il peut passer un coup de fil à un opérateur qui est situé à l'Agence spatiale européenne en Italie, à Frascati. Cet opérateur, dans l'heure qui suit, c'est vraiment immédiat, ou parfois même dans les quelques minutes qui suit, vérifie que l'utilisateur fait partie de cette liste d'utilisateurs autorisés et transmet la demande à ce qu'on appelle un Emergency On-Call Officer, c'est-à-dire un opérateur d'astreinte qui a la main sur l'ensemble des satellites de la charte. Et donc, dans les heures qui suivent... alors. Tout dépend, en général, c'est, disons, au maximum dans les 6 heures après l'activation, souvent même c'est beaucoup plus rapide que ça, l'opérateur d'astreinte va utiliser le scénario préétabli qui correspond au type de catastrophe concernée. Donc si c'est une inondation de plaine, il va programmer tel et tel type de satellite. C'est-à-dire, je sais que c'est de tel satellite que j'ai besoin. Voilà, si c'est un tremblement de terre en zone urbaine, il va programmer tel et tel satellite. Il a des scénarios préétablis. Et hop, il lance la programmation de façon très rapide parce que l'important dans la charte, c'est vraiment d'être capable de programmer très vite tous ces satellites de façon à acquérir les images le plus rapidement possible et puis ensuite, bien sûr, de les récupérer, de les analyser, d'en faire des cartes comme celles que vous avez fournies là. Mais donc c'est de la programmation en priorité, c'est-à-dire que les ce qui était déjà programmé, les images qui étaient déjà programmées, passeront après. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et donc, cette phase-là se produit, donc, a lieu dans les heures qui suivent. Et ce qui est réalisé, qui est très important aussi dès qu'une activation a lieu, c'est de nommer ce qu'on appelle un project manager, donc un chef de projet charte. Là, c'est de la responsabilité du secrétariat exécutif charte, c'est-à-dire les gens qui, donc des 14 agences spatiales membres, suivent en continu l'activité charte, de façon à nommer un chef de projet de cette activation qui va tout de suite prendre la main par rapport à cette programmation assez automatique, automatique, qui est quand même raisonnée, hein, mais qui a été lancée par un opérateur, pour l'adapter aux besoins et surtout à l'évolution de la situation. Nous, enfin, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on fait assez régulièrement, hein, quand la sécurité civile française déclenche. Sur le cas de Haïti, moi, je faisais partie des 4 project managers qui ont travaillé pendant 15 jours. Et on itère sans arrêt avec les utilisateurs sur le terrain, l'utilisateur autorisé, hein, qui est quelque part le garant du fait que l'activation charte se passe bien, pour adapter les programmations au fur et à mesure de la situation. Par exemple, sur les tempêtes, je ne sais pas si vous vous rappelez de la tempête Klaus dans les Landes, hein, il y a 4 ou 5 ans, la charte a été déclenchée à la demande d'un groupement d'intérêt public qui s'appelle ATGRI dans les Landes, qui avait l'élément déclencheur, c'était les tempêtes qui avaient détruit la forêt des Landes. Mais une fois que c'est remonté, donc une ou deux heures après, une fois que ça a été remonté au niveau central de la sécurité civile française à Asnières, le risque finalement était beaucoup plus sur les inondations qui ont suivi, puisque ça a été un début, une période de pluie absolument intense, et l'urgence à gérer par la sécurité civile, ça a été beaucoup plus les inondations que les arbres qui de toute façon étaient tombés. Donc il y avait c'était important de connaître la cartographie des zones touchées en termes de forêt, mais la vraie urgence par rapport aux populations, c'était d'avoir la cartographie de toutes les villages et les villes inondées. Donc finalement, l'activation charte qui avait été initiée par des forêts des forêts détruites, s'est vite réorientée sur le vrai besoin, encore une fois, de la protection civile, qui était où sont les villes inondées, quelle est l'extension des inondations, et a posteriori, nos programmations chartes qui ont ciblé toutes les Landes, etc., ont été utilisées, mais dans un cadre autre, pour la cartographie des dégâts de tempête sur la forêt des Landes et même de façon plus générale tout le sud de la France, mais dans un autre cadre, un cadre hors charte, mais où le spatial a vraiment apporté un plus. Madame de Boissezon, on vous pose une question sur comment est-ce que ça se passe. Et alors, là, vous nous avez très bien raconté les choses du point de vue, je dirais, institutionnel, hein, qui fait quoi. Mais vous pouvez aussi nous raconter les choses vu de l'intérieur. Parce qu'il y a eu un tremblement de terre à Haïti qui a été catastrophique en 2010. Et c'est la sécurité civile française qui a activé la charte. Et il y avait une agence, du coup, qui était là à la manœuvre. Oui. C'était qui ? Eh bien, c'était nous, parce que chaque fois que la sécurité civile française déclenche, le CNES... Alors, comment ça s'est passé pour vous ? Comment est-ce que vous avez appris ? Comment ça s'est passé cette journée pour vous ? Très particulière. Alors, et puis, finalement, ça n'a pas été qu'une journée. Non, ça n'a pas été qu'une journée. Eh bien, le tremblement de terre a eu lieu donc dans la nuit, hein, à 11h du soir. On dormait. En tout cas, on était tous chez nous en train de... Voilà, chez nous, on n'a pas su qu'il y avait ce tremblement de terre en direct. Par contre, donc, à Asnières, le COGIC, là, hein, ce dont j'ai parlé, le Centre opérationnel de gestion interministérielle de crise, une heure après le tremblement de terre, a appuyé sur le bouton charte puisqu'il savait que le tremblement de terre était absolument majeur. Et donc moi, le matin, en me réveillant, en fait, je ne sais pas vers quelle heure, hein, un peu avant 7 heures, j'ai entendu cette info à la radio. Et là, je me suis dit, je ne savais pas que la sécurité civile... Ça, c'est pour moi. Oui, enfin, pour la charte. Non, pour la charte, parce qu'il y a beaucoup d'événements absolument majeurs où la charte est déclenchée, mais où la France et le CNES n'est pas spécialement concernés. Et là, sincèrement, moi, je me suis dit, la charte va être déclenchée à coup sûr, mais je n'imaginais pas une seconde qu'on serait peut-être concernés. concernés. Malgré tout, en prévision, enfin, j'ai envoyé un SMS à 7h30 du matin, en fait, à quelqu'un de mon service qui potentiellement pouvait être, c'était Delphine d'ailleurs, qui potentiellement. C'était Delphine. Oui, c'était Delphine. D'ailleurs, ben, je vais vous raconter, il y a eu 4 Delphines sur le coup. Ah bon, d'accord. Vous allez voir. Donc, à 7h30 du matin, c'est vrai que je me suis dit, bon, la prochaine personne de mon service qui potentiellement allait être project manager, c'était une personne donc qui ne l'avait encore jamais été, qu'il fallait qu'elle se forme. Elle était novice, là. Elle était novice, voilà. Et donc, je lui ai envoyé un SMS à 7h30 en lui disant, Delphine, il y a un tremblement de terre en Haïti. Si la sécurité civile française déclenche, est-ce que tu es OK pour être PM? Voilà. Et donc, elle me répond, OK. Bon, hop, j'arrive au travail un peu avant 8h. Et là, je découvre que la sécurité civile française avait déclenché donc à 11h du soir et que donc il fallait que le CNES soit project manager. Parce que dans ces cas-là, on estime qu'en tant qu'établissement public français, on est là pour vraiment répondre aux besoins de nos utilisateurs numéro un et on est systématiquement project manager. Donc, juste un tout petit mot quand même. Si c'est la sécurité civile française qui a déclenché l'alarme, si je puis dire, oui. C'est parce qu'il y a des accords avec Haïti, c'est ça ? Il y a une longue tradition de coopération franco-haïtienne, voilà, ça c'est sûr. Donc c'est la France voilà, qui le fait. Voilà, voilà. Mais ça s'est joué à une heure près. Hein. Les Nations Unies. À une heure près, c'était quelqu'un d'autre. Ah oui, à une heure près. Les Nations D'accord. Unies ont déclenché une heure après. D'accord. Mais, alors puis, vous, revenons à vous. Voilà. Donc, vous arrivez au bureau et voilà, donc vous n'avez pas conscience de l'ampleur du problème. Voilà, et donc moi je me disais, bon, c'est un... Ce sera un bon galop d'essai pour. Oui, voilà, c'est facile. Un tremblement de terre en zone urbaine. Voilà, en 3 jours, c'est réglé. Dès qu'on a une bonne image américaine, ben voilà. Le travail est fait. On fait faire une cartographie à l'équipe de Strasbourg, là, le CERTIT. Et ça sera excellent comme petit déclenchement d'apprentissage pour Delphine. Mais dans les heures qui ont suivi, et d'ailleurs, je n'étais pas la seule, hein, la personne qui était représentant à ce qu'on appelle le board charte, c'est-à-dire le comité directeur charte, était du même avis que moi. On avait tous les deux dit à cette fameuse Delphine, ça sera facile, tu verras, un tremblement de terre, c'est ce qu'il y a de plus simple à gérer. Mais étant donné l'ampleur des dégâts et puis l'ampleur donc de la catastrophe, très rapidement, dès le premier jour, il a fallu nommer un second project manager, puis un troisième, et puis finalement, on a été 4 à être sur le pont pendant 15 jours. Et là, c'est du 24 heures sur 24 Quasiment. Enfin, les premiers jours, pendant ça s'est déclenché un mardi soir, du mardi jusqu'au week-end inclus, on a été là pratiquement, on a quasiment fait 24 heures sur 24 ou pas loin en tout cas. On se relayait, on était presque toujours 2 sur place. On faisait des points de situation, comme je l'ai dit, hein, au début toutes les 3 heures, puis après au minimum 3 fois par jour avec la sécurité civile française, puis donc les Nations Unies, la sécurité civile allemande, enfin tous ceux qui avaient déclenché la charte. Et c'est vrai que ça a été extrêmement prenant, mais en même temps extrêmement motivant quand même d'être au centre de ces activités. Effectivement, on avait... Ça a duré combien de temps ? 15 jours, c'est ça ? 15 jours avec énormément de travail. Et la vie de famille pendant ce temps-là ? On a tous, heureusement, des conjoints et des enfants D'accord. assez compréhensifs qui ont accepté qu'on mette une... D'accord. Et donc les dossiers en cours, là, c'était... Alors là, les dossiers en cours... Ils ont eu un peu de retard. Ils ont été moins compréhensifs, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est extrêmement prenant. Inversement, il y a 2 personnes qui sont restées sur le pont pendant les 15 jours. Moi, par exemple, j'ai repris mes activités de responsable de service. J'ai pas pu laisser tomber tout ça pendant 15 jours. Mais le gros de l'activité, dans une activation charte, il y a un énorme travail où on ne peut absolument rien faire d'autre pendant à peu près 2 jours, 3 jours. Et après, pour une activation classique, on va dire, les choses se stabilisent, des images commencent à arriver, des produits à être traités, et on passe la main à d'autres. Mais il y a un investissement énorme pendant, souvent 2-3 jours. D'autres questions ? J'ai une question à propos de l'accumulation des catastrophes naturelles qui peuvent arriver parfois, notamment, je pense, à l'inondation, au tsunami... en Indonésie. Ah, pardon. Non, en Indonésie, ouais. Il y a un peu plus longtemps. Et donc une catastrophe s'est succédée à une autre, problème sanitaire, problème de glissement de terrain, après le tsunami. Comment on gère ce genre d'accumulation très rapide dans le temps ? Alors heureusement, c'est pas moi qui le gère, hein, ce sont les protections civiles ou les Nations Unies. Nous, on ne fait que apporter des éléments qui aident à la planification et à l'organisation des secours. Mais comment nous on s'adapte à ces catastrophes qui peuvent se succéder ? Eh bien, encore une fois, je reprends l'exemple, par exemple, de la tempête Klaus, où au début, on s'est dit bon, le besoin initial, c'est cartographie de forêts touchées par une tempête, donc il faudra absolument programmer de l'optique, etc., un certain type d'image. Mais très vite, dans les quelques heures qui ont suivi, on a vu que le vrai besoin, c'était gestion d'inondation. Du coup, on va modifier le type de satellite qu'on va programmer. On change le scénario, finalement. Voilà, et on va aller acquérir les données qui sont le plus susceptibles d'apporter l'information recherchée par les personnes. Et il s'est passé la même chose sur le tsunami, cette fois-ci au Japon. On a partagé un petit peu le type de ressources utiles et demandées par les utilisateurs, en se disant il y a une demande des Japonais pour avoir l'extension des catastrophes au niveau des zones urbaines les plus touchées. Donc là, les Japonais avaient déclenché la charte, et ce sont des images américaines à très haute résolution qui ont été les plus utiles. Très haute résolution, c'est quelques dizaines de centimètres. Oui, voilà, c'est 50 centimètres à peu près. Mais il y avait aussi une autre demande où là, c'était plutôt le satellite, la famille Spot, qui pouvait être très utile. C'était de dire, mais pouvez-vous nous donner une vision exhaustive de l'ensemble des côtes touchées ? D'ailleurs, je pense qu'il y a un exemple ici. Alors, il y a un exemple, peut-être qu'on peut et le voir, oui. Puisque personne n'avait de visibilité sur l'extension complète des dégâts. Et donc, on a été capable, en programmant d'autres types de satellites, hein, dont les satellites Spot, de couvrir en 2 jours les 400 km de côtes qui ont été touchées par la catastrophe. Et là, de fournir Parce que Spot, c'est du large champ, oui, avec une précision moins grande, mais on a une. Voilà, c'est 60 km. Une image fait 60 km, donc de large. Et le pixel fait 2,50 m simplement de résolution. Mais avec de telles images, on est capable d'aller fournir, donc en l'espace de 2 jours, une cartographie exhaustive des zones qui ont été touchées par le tsunami. On a pu mesurer donc une avancée de l'eau dans les terres de souvent jusqu'à 2-3 km d'eau à l'intérieur des terres. Et ceci en 2 jours, on a eu ce type d'information. Et puis juste après, on a été en contact, nous, avec l'agence l'IRSN sur les risques nucléaires. Hein, et c'est l'agence, c'est les techniciens français, c'est les ingénieurs français du nucléaire. Qui ont demandé aussi à la charte, qu'est-ce que vous pouvez nous fournir comme information et comme image sur la centrale de Fukushima ? Et là, donc, on a pu avoir des images. Pour évaluer les dégâts ? Pour se faire une idée de la situation, parce qu'il faut savoir que le Japon ne voulait pas, dans les premiers jours qui ont suivi la catastrophe, le Japon voulait gérer la catastrophe seul. Il refusait l'aide française, internationale. Donc, dans les tout premiers jours de la catastrophe, c'est vrai que les autorités françaises étaient preneurs et demandeurs d'informations, y compris sur l'état de la centrale. Et des images américaines ont été fournies aussi dans le cadre de charte. Donc on voit qu'on a différentes palettes de moyens à notre disposition, et finalement on les utilise en fonction des demandes. Quoi. Est-ce qu'on peut regarder cette carte alors ? Oui, eh bien, donc là ce ne sont pas des triangles, ce sont des carrés qui montrent une partie de la côte, donc en gros la moitié de la côte touchée par la catastrophe, et où on voit sur la côte, donc. On doit avoir quoi, de 150 km, là. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. 150 à 200 km. Et on voit l'ensemble de toutes les petits villages ou les zones urbanisées qui ont été submergées par donc le tsunami, et où il y a eu une avancée des eaux, souvent donc de 2 à 3 km à l'intérieur des terres. Donc les points rouges, ce sont les zones submergées. Voilà, ce sont des zones urbanisées qui ont été complètement ensevelies par les eaux. Cécile Vignol, on a vu avec vous que voilà, qu'on pouvait prévenir les maladies, qu'on pouvait mieux gérer les épidémies. Tout ça, c'est opérationnel aujourd'hui sur certaines maladies. Ça va l'être davantage sur d'autres demain. Oui et non. Alors non, c'est quand même encore beaucoup du domaine de la recherche. Pour l'essentiel des maladies, comme pour la dengue ou le paludisme, il y a une maladie où on est en phase de que ça devienne opérationnel, c'est la fièvre de la vallée du Rift, puisque là aujourd'hui la production des cartes et la modélisation est validée. Et donc on est dans une phase, ce qu'on appelle le transfert de technologie, où on va donc transférer ce système donc de production de cartes. C'est la phase ultime là. Voilà, c'est la phase ultime. Et où on va. Mon système marche, je vous le livre. Voilà, alors je vous le livre, mais pas tel quel. Ce qu'il faut savoir, c'est que les utilisateurs intéressés par ces cartes-là au Sénégal, ce sont la direction des services vétérinaires qui ont en charge évidemment donc de la protection des animaux et qui ont en fait travaillé avec nous depuis le début. Donc ça, c'est un des paramètres clés de notre approche de télépidémiologie, c'est que l'utilisateur final est avec nous depuis le début. Il doit être dans le projet depuis le début, parce que d'abord, il connaît bien le phénomène, donc il va nous apporter des informations, justement, pour la fameuse première étape dont je parlais tout à l'heure, pour comprendre la maladie et ses mécanismes. Il va nous apporter des données de terrain pour nous permettre de valider notre modélisation. Et il va surtout nous aider à définir, finalement, le produit dont il a besoin, c'est-à-dire celui qui, concrètement, va l'aider, lui, sur le terrain, à adapter ses stratégies. Et donc à lutter contre la maladie. Donc par exemple pour la fièvre de la vallée du Rift, est-ce qu'on peut en redire un mot? On a dit que ça, c'était surtout le bétail, hein, qui était touché. Oui, c'est le bétail, c'est les animaux domestiques qui sont essentiellement touchés. Mais ça peut provoquer des épidémies vraiment catastrophiques du point de vue économique. Oui, ça peut provoquer des épidémies catastrophiques parce que ces zones-là, notamment dans toute la zone du Sahel, toute l'Afrique de l'Ouest, sont des zones d'élevage. Donc c'est une des principales ressources économiques. Et quand ces épidémies surviennent, en fait, ils perdent ce qu'on appelle les agneaux, hein. Ça touche essentiellement donc les petits, les caprins et les ovins. Donc ça, les agneaux meurent et souvent les femelles qui meurent aussi. Donc ça fait effectivement un très gros impact. Et c'est aussi parfois comme ça que l'homme l'attrape, parce que quand il touche ce qu'on appelle les fluides, c'est-à-dire quand il touche les fœtus ou les femelles qui ont avorté, c'est comme ça parfois, s'il a des micro-coupures, c'est comme ça qu'il peut aussi l'homme attraper la maladie. D'accord. Ok. Et donc, alors, on en est au niveau où on a le transfert technologique. Qu'est-ce qu'on transfère exactement? Alors là, en l'occurrence... Excuse-moi, juste un mot quand même. Il y a eu, je crois, en 2010, une grosse épidémie, c'est ça, avec la Mauritanie? Alors oui, en 2010, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu une épidémie assez sévère au nord du Mali, et donc sur des dromadaires. Il faut savoir que le Mali, la Mauritanie, le Sénégal, c'est des zones de transhumance. Donc les chameaux, les dromadaires, même les ovins, les caprins voyagent. Et donc là, en fait, le gouvernement du Sénégal a fermé la frontière pour éviter que les dromadaires viennent pâturer dans au Sénégal. Par crainte de voir l'épidémie se propager. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une épidémie qui a été très surprenante parce qu'elle est arrivée dans un endroit de la Mauritanie où il n'avait pas plu depuis très très longtemps. Donc vous savez, il pleut pas souvent là-bas. Et donc elle est arrivée dans des zones évidemment où il n'y avait pas eu la maladie depuis très longtemps, mais où le vecteur était là. Et ce qu'il faut savoir en plus comme particularité dans certains de ces moustiques, c'est qu'ils ont la capacité, une fois qu'ils ont pondu leurs œufs, d'attendre longtemps. Combien ? Par plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc, quand il pleut, ils se dessèchent et ils attendent. Et donc, quand il pleut, ils éclosent. Donc, à des endroits où vous croyez que vous êtes tranquille, vous n'êtes pas forcément tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on transfère comme technologie exactement ? Là, en fait, au service vétérinaire, là, de. Voilà, alors ce qui se passe, c'est que, effectivement, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, souvent, ces autorités de santé n'ont pas de compétences ni en traitement d'image, ni en système d'information. Donc, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont travailler avec un autre partenaire du projet, qui est le Centre de suivi écologique, qui a participé au développement de ces cartes de risque. Et donc, en fait, il va y avoir un accord entre eux, la direction des services vétérinaires, demandant, en fait, à ce centre de suivi de produire des cartes, comme on pourrait produire des cartes météo tous les jours. Donc, nous, on appelle ça la météo du moustique. La météo du moustique, oui. La météo du moustique, voilà. Et donc, en fait, l'idée, c'est donc de transférer aujourd'hui ce modèle qui existe. C'est un petit logiciel avec de la programmation. Voilà, c'est fournir un logiciel qui est déjà tout fait, qui est tout... Voilà, de faire ce transfert... Qui a été validé. Qui a été validé et qui permet donc de sortir ce qu'on appelle aujourd'hui des cartes journalières. et qui permet donc de spatialiser le risque, c'est-à-dire spatialiser le risque. Voilà, donc c'est réaliser des cartes, c'est ça. Voilà, c'est réaliser des cartes. Elles sont basées donc sur des images Spot 5, donc nous à 10 mètres de résolution. Puisque là aussi, c'est un petit peu comme pour la charte, on choisit en fonction de la maladie et de ce qu'on a compris de la maladie, on va choisir le satellite qui est le plus adapté en termes de résolution spatiale et de résolution temporelle, hein, de fréquence, de répétitivité. Donc là, en l'occurrence, pour détecter les mares dont on avait besoin au départ, c'est des mares qui font un hectare en moyenne de surface. Ouais, donc c'est des étangs, quoi. Donc voilà, donc ouais. Avec une image à 10 mètres de résolution, on est tout à fait capable de les détecter. Et à partir de là, donc à partir de cette détection des mares, le modèle qu'on a mis au point, il est principalement, la variable qui est principalement moteur, c'est la pluie. Donc en fait, tous les jours, on rentre des pluies, les pluies qui, de la zone. Et cette enfin, pluie, en l'occurrence, ce sera le service. Donc, voilà, donc il suffit de rentrer tous les jours la pluie, le modèle se déclenche, le modèle va dire si c'est une pluie dangereuse ou pas, et si elle est dangereuse, il va produire des cartes. D'accord. Donc voilà, et les cartes, ce qu'il faut savoir. Alors ça, c'est opérationnel déjà, ça y est, c'est parti. Alors le modèle est au point, mais on est en train de discuter. Voilà, maintenant la discussion commence pour savoir comment on transfère. Et sur quel MADI est-ce que vous êtes le plus au point aujourd'hui? Quelle est la prochaine? La prochaine, c'est le paludisme urbain, donc à Dakar. Urbain à Dakar. Voilà. D'accord. Ouais. Donc il y a en ce moment, donc on vient de finir une entreprise, donc une CIRS et CERTIT dont on vous a parlé tout à l'heure, viennent de mettre au point ce qu'on appelle l'industrialisation pour fabriquer la fameuse carte de Dakar que vous avez vue. Ouais. Mais là aussi c'est toujours pareil, c'est une carte qui est au point sur Dakar, mais si on veut la reproduire sur des villes comme N'Djamena, où on pourrait se dire c'est à peu près pareil, Sahel, etc. Mais voilà, il faut adapter parce que typiquement un des points que je vous ai pas dit. Il n'y a pas les mêmes températures, Exactement les mêmes températures, et surtout un des phénomènes, c'est que pour avoir obtenir cette carte, la première étape, un des paramètres dont je vous ai pas parlé, c'est ce qu'on appelle le modèle numérique de terrain. Donc alors, vous allez me dire mais à Dakar l'altitude c'est pas terrible, mais ça suffit, il y a quand même une petite variation. Et là aussi, la physique est têtue. Un peu de variation d'altitude. Ouais. Voilà, il pleut que dans les creux. Hein. C'est là que l'on reste. On a les mares. Et donc, on s'est aperçu qu'on n'y croyait pas trop au début, mais c'est un facteur clé. Et donc, effectivement, les échelles d'altitude ne sont pas les mêmes à Dakar qu'on peut l'avoir à N'Djamena, etc. Donc, c'est des choses qu'il faut adapter. Donc, on n'a pas de choses clés en main à chaque fois. Et donc, pour en revenir à la direction des services vétérinaires, ce qui les a beaucoup motivés, c'est de pouvoir utiliser ces cartes pour adapter donc leur lutte et leur stratégie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la fièvre de la vallée du Rift, il existe un vaccin, mais ils n'en ont pas beaucoup. Donc, en gros, ils ont plusieurs millions de bétail à traiter et ils ont à peu près 800 000 vaccins par an. Donc, il faut être efficient. Hein, Il faut savoir les animaux qui sont vraiment à risque. Voilà, il faut informer la population. Donc, c'est pas la peine de créer de la panique. Donc, autant informer vraiment les populations qui sont à risque. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les zones d'élevage, il y a ce qu'on appelle des postes vétérinaires, que ces postes vétérinaires sont en général équipés de radios et que l'information pourrait passer par là. C'est une des idées. C'est-à-dire, on allume la radio, et en gros, avec un haut-parleur, on informe la population qu'il vaut mieux aller faire boire ces animaux à telle mare plutôt qu'à une autre. Parce que momentanément, elle est à risque. Les satellites l'avaient prévu, de ce côté-là, zéro bévue. Simplement, je n'y ai pas cru. Les satellites l'avaient bien dit, valait mieux pas venir ici, en tout cas pas ce mardi. Aucun refrain, aucune strophe, c'est vraiment la catastrophe. Je n'ai aucune inspiration pour vous inventer des chansons. Les satellites l'ont annoncé, l'esprit soufflait de l'autre côté, forcément ça devait arriver. Ils ont repéré un banc de muses, échoué dans le détroit d'Ormuz, en train de jouer de la cornemuse. Aucun refrain, aucune strophe, c'est vraiment la catastrophe. Je n'ai aucune inspiration pour vous inventer des chansons. les satellites l'avaient prévu. De ce côté-là, zéro bévue. Alors, quand est-ce que les satellites vont pouvoir prévoir les manques d'inspiration chez les artistes? Un jour, on espère. Ce serait bien pratique. Une intervention là-bas. Abby aussi? Qu'est-ce qui se passe, Abby? Des choses sur Twitter ou c'est toi? Une question de Twitter. Quelqu'un souhaite savoir si... C'est qui d'ailleurs? C'est quoi son? C'est Remco Timmermans. Remco Timmermans a des choses à vous dire. Il souhaite savoir si la charte a des images d'avant, des sites sensibles, et oui. Comment les garder à jour dans ce cas. C'est une très bonne question, parce que quand la charte est déclenchée, les images qui sont fournies le plus vite, finalement, ce sont des images d'archives, parce qu'il est très important d'avoir une image avant la catastrophe et l'image qu'on a programmée donc, après la catastrophe, pour faire ce qu'on appelle une détection de changement et être capable de dire, de repérer par analyse, alors en partie automatique des images, hein, parce qu'il faut beaucoup d'expertise humaine malgré tout, donc pour savoir exactement où sont les dégâts. Donc l'idéal, c'est d'avoir une image de la zone impactée qui soit la plus récente possible avant la catastrophe, qui soit bien à jour, et puis donc l'image que la charte programme en urgence, qui va dire ben voilà, l'image après la catastrophe, c'est ça. Et donc ce qui est fourni, d'ailleurs on a des exemples là, voilà, les produits cartographiques qui sont fournis, ce sont effectivement des produits de détection de changement, et en disant voilà, les dégâts sont là, ça a changé, et ce changement est dû à la catastrophe. C'est ça qui est vraiment utile. Donc, voilà, on programme des images en urgence, mais aussi, on va fouiller dans nos archives, et on trouve l'image la plus pertinente, la plus récente possible de la zone impactée. Pour pouvoir comparer. Voilà, pour pouvoir comparer. D'accord. Alors, pendant qu'on vous distribue l'image... mais c'est pas la bonne, si. Non, je me trompe. Pourquoi? Ah, mais si, c'est la bonne. Excellent. Parfait. Pendant qu'on vous distribue l'image, juste, il y avait une petite question intermédiaire, la question des coûts. Ça coûte combien? Oui, voilà, oui. Alors, la charte, globalement, au niveau de l'ensemble des agences spatiales concernées, c'est estimé à peu près, le coût des images qui sont mises à disposition est estimé à 5 millions d'euros. Ça représente quoi, 5 millions d'euros par an? Oui. Par an, oui. D'accord. Voilà. Et au niveau CNES... Donc c'est l'achat des images, c'est ça? Mais c'est la valeur, la valeur des images qui sont mises à disposition gratuitement par les agences spatiales. Et je peux vous parler très précisément côté CNES, hein, combien ça coûte au CNES la mise à disposition des images et le fait aussi de faire financer donc la réalisation de ces produits que vous voyez là, hein, la cartographie rapide, qu'on appelle. Donc au niveau CNES, c'est annuellement entre 250 000 euros et 400 000 euros, puisque évidemment on s'adapte. S'il y a relativement peu de catastrophes, eh bien voilà, il y aura relativement peu d'images achetées. Il faut voir que c'est toujours en croissance malgré tout. Actuellement, on est plutôt aux alentours à peu près entre 350 000 euros par an et 400 000 euros par an de budget consacré par le CNES à la charte. Pour l'achat des images, pour le maintien en condition opérationnelle des équipes de cartographie rapide du CERTIT, donc à Strasbourg, et pour le financement de cette cartographie que vous avez sous les yeux, qui est absolument indispensable aux utilisateurs. C'est de l'argent qui est pas mal dépensé. Mm-hmm. Alors, voilà. Commentez-nous cette carte. Où on est? Qu'est-ce qu'on voit? Alors voilà, pour répondre à Abby, c'est ça, je crois. Hein, voilà, là, il y a un exemple. C'est Timmermans sur Twitter. Voilà. Ouais. Donc, c'est exactement votre question. On voit sur cet exemple la rivière Grise. Donc, à Port-au-Prince, c'est un... C'est son nom, hein, la rivière Grise. Voilà, la rivière Grise, c'est une des rivières qui traverse Port-au-Prince. Sur le bas de la carte, vous avez... La rivière Grise en temps normal, hein, voilà, avec... La carte marron. Voilà, c'est le bas de la cartographie. Et au-dessus, vous avez l'image de crise interprétée. Donc en bleu clair, le nouveau lit de la rivière suite au passage du cyclone Sandy. Donc là, la rivière, elle est en crue, là. Voilà, donc la rivière a plus que quadruplé hein, de superficie, a englouti tout un tas de maisons qui sont représentées par des carrés rouges. Et donc, le lit du fleuve a complètement changé suite au passage de l'ouragan. Et ça, ce sont des phénomènes qu'on retrouve très souvent, des lits de rivière qui changent complètement de cours suite à des événements météorologiques majeurs. Et là, en l'occurrence, sur cette activation, c'est le CNES qui a été project manager, même si ce n'était pas la sécurité civile française qui était demandeuse. Mais pourquoi ? Parce qu'on était en lien avec un organisme des Nations Unies sur place et avec l'Office international des migrations, l'IOM, en Haïti, qui disait, voilà, on sait que des centaines et des centaines de maisons ont été englouties, mais on ne sait pas précisément combien, on ne sait pas lesquels. Et donc, du coup, là, avec une imagerie Pléiade, on n'a pas encore parlé hein, du satellite Pléiade. Oui, les satellites. Les satellites Pléiade. Ce sont les petits derniers de la grande famille française de satellites d'observation de la Terre, donc conçus par le CNES. Hein, alors, on va terminer sur la carte oui. Et puis on reviendra à Pléiade ensuite. Et donc, non, mais c'est. Il oui, ben, y a un lien direct, c'est parce que ce niveau de détail, c'est-à-dire être capable d'identifier des maisons individuelles englouties ou non par le passage de l'ouragan, ce n'est possible qu'avec des images d'une résolution du type Pléiade, c'est-à-dire 70 cm de résolution. En gros, on utilise ces images, on va dire, pour faire simple, hein, rééchantillonnées à 50 cm. Donc, c'est vraiment l'équivalent des images dont j'avais parlé précédemment, des satellites américains. Ce sont d'anciens satellites défense qui ont été déclassifiés. Ah oui, ça, c'est étonnant, ça, cette histoire. Voilà. Donc, sur les 25 satellites de la constellation que vous pouvez appeler à chaque fois que vous activez la charte, voilà. Sur ces 25, il y a certains satellites qui sont en fait des satellites militaires oui. américains. Qui ont été déclassifiés. Déclassifiés, donc oui. Maintenant on peut les utiliser librement, entre guillemets. Oui, oui. Ouais. Et il faut savoir que Pléiade, qui n'est pas un satellite strictement militaire, est quand même un satellite dual. Il vient d'être lancé, c'était en 2012. Voilà, hein, le Pléiade 1A a été lancé en décembre 2011. Voilà, toute fin 2011. Et Pléiade 1B, son jumeau. Après. En novembre, enfin le 1er décembre 2012. Donc ce sont des satellites duo, c'est-à-dire ils ont été conçus avant tout pour des besoins de défense. La DGA, enfin les militaires français ont un accès privilégié à ces satellites, mais il a été d'emblée conçu avec un usage dual, c'est-à-dire que le domaine, le civil a un accès à ce satellite et il y a tout un tas d'usages divers et variés, dont les usages protection civile qui sont bien sûr prévus pour ce satellite. Donc on partage les mêmes ressources, il y a un certain nombre de ressources qu'on partage avec les militaires, mais bien sûr pas et tout même à carrément fait. Des satellites oui oui mais... carrément des satellites ouais. Alors on voit bien avec cette image hein, que vous avez présentée quel intérêt peut avoir une sécurité civile. Elle va sur place, elle voit le nouveau lit, donc elle peut imaginer aussi les difficultés pour franchir éventuellement ce nouveau lit, ce nouveau oui, bras de on voit des ponts ce nouveau cours d'eau. Des ponts qui ont été voilà, complètement arrachés. Et puis on voit très clairement où sont les maisons qui ont été oui. emportées et où sont les dégâts. Oui. Et peut-être autre élément important, c'est que juste après la partie, on va dire, de phase de réponse à l'urgence, donc quand les sécurités civiles sont sur place ou les Nations Unies, très vite, ce sont les organisations non gouvernementales, les humanitaires qui rentrent en jeu, et ils bénéficient aussi, bien sûr, de ces produits cartographiques pour ensuite, pour organiser leurs activités à eux. Par contre, la programmation en urgence s'interrompt. Puisque donc la charte, encore une fois, ne peut être utilisée que pour des buts de réponse à l'urgence par les organismes de secours. Alors en fait, on a distribué deux cartes. Donc il y a la moitié de la salle qui n'a rien compris. mais si, mais la moitié de la salle... Alors, l'autre moitié de la salle a eu l'autre carte. Oui. Mais alors, si on explique quel est ce qu'a eu l'autre moitié de la salle, la première moitié ne sera pas... Alors, allons-y quand même. Oui, alors la moitié de la salle qui a eu une carte avec trois petites vignettes grisées par rapport donc à l'ensemble de la carte. C'est un peu la même chose quand même. Voilà, c'est la même chose. Dans les trois vignettes, on a l'image satellite avant crise, donc avec en bleu foncé. Et ça correspond au carré jaune, oui. Voilà. Ouais. Et ensuite, on a en fond de carte le nouveau tracé de la rivière grise en bleu, on va dire. Alors, on va pas l'appeler la rivière grise parce que ce n'est que son nom, mais elle apparaît en bleu ciel. Oui, désolé. Voilà, donc, avec le nouveau cours, c'est le bleu ciel. Le bleu ciel. L'ancien cours, c'est bleu foncé. Et on voit avec donc des flèches le déplacement du lit de la... Ici. On voit le déplacement... Oui. Les flèches bleues, Les flèches bleues qui montrent le déplacement du lit majeur de la rivière. Et en rouge, soit les routes, soit les maisons qui ont été détruites et submergées par... le cyclone. C'est très clair. Une question au fond. Oui, bonjour. Pour la question de la télépidémie, vous aviez donné deux exemples de maladies transmises par les moustiques. J'ai cru comprendre aussi que dans le cas de la méningite au Sahel, c'est plus dû à la question des poussières, qu'il y a des travaux qui sont faits là-dessus. Et est-ce que vous pouvez remonter aussi vers nous sur la question de l'asthme, pollution de l'air et tout ça? Oui. Alors, effectivement, ça fait partie des maladies que l'on peut étudier. Alors, pour la méningite, je vais mettre une réserve. Parce que la méningite est une maladie qui, effectivement, a été étudiée. Le problème avec cette maladie, c'est que la fameuse première étape dont je vous ai parlé tout à l'heure est une étape qui n'est pas, de mon point de vue en tout cas, qui n'est pas complètement finalisée. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas encore très très bien les mécanismes. La première théorie, c'était la bactérie, puisque la méningite, c'est une bactérie. Elle est transportée par des poussières. Et quand il y a les fameux vents de sable, alors ça, ces vents de sable, effectivement, on les voit très bien, on peut les voir avec des images satellites, on en déduisait qu'il allait avoir la méningite. Alors, le problème, c'est que c'est posé un certain nombre de questions. Est-ce que ces bactéries, à l'altitude où sont ces poussières, elles peuvent survivre? Donc là, il y a déjà eu des conflits parce que les scientifiques ne sont pas tous d'accord. Il faut savoir qu'aux altitudes où il y a des poussières, il fait très, très, très froid. Donc certains disent qu'elles ne sont pas capables de survivre. La deuxième chose, c'est comment, à partir de nuages que l'on peut très bien voir avec les satellites, ça c'est vrai, comment aller prédire qu'à des centaines de kilomètres plus loin, il va y avoir des méningites, parce que c'était le cas. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il y a effectivement des choses à faire, mais on est dans le domaine de la recherche, et la première étape, en respect du concept dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est de mieux comprendre la première étape. Et aujourd'hui, tous ces mécanismes sont pas vraiment encore très très clairs. Mais il faut en savoir plus. Il faut en savoir plus. Alors après, l'autre étape, oui, bien sûr, sur les problèmes liés à la pollution atmosphérique, les asthmes, c'est quelque chose qui commence aussi à être étudié, et les satellites pourraient apporter une réponse. Ce qui est assez classe, ça requiert des satellites qui sont dans le domaine donc, de ce qu'on appelle de l'atmosphère, de la chimie de l'atmosphère. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des informations sur des colonnes verticales. Ces phénomènes donc d'asthme et de pollution atmosphérique qui se passent à hauteur d'homme. Donc toute la question est de savoir, quand on mesure une information qui est sur une colonne, comment après la retranscrire à hauteur d'homme. C'est-à-dire finalement savoir qu'est-ce qu'il y en a vraiment au sol. Donc ça veut dire qu'il faut passer sûrement par des phases de modélisation. Et donc ça, c'est des travaux qui commencent, qui ne sont pas encore du tout au niveau de la maturité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais c'est effectivement, là aussi, je suis convaincue que les satellites vont pouvoir apporter des informations utiles. Une autre information aujourd'hui que l'on espère pouvoir étudier, c'est les problèmes d'allergie ou d'asthme liés à l'ambroisie. Donc c'est une plante, vous savez, qui se multiplie et qui est responsable de très très fortes allergies. Et on espère... En France, elle se développe, c'est oui, ça. Oui, en France, elle se développe et elle est responsable de très très très fortes allergies. Et donc on espère un jour, avec les satellites, donc pouvoir l'identifier. Parce que notamment avec peut-être des satellites, ce qu'on appelle dans l'hyperspectral, donc il y a un type de satellite qui a ce qu'on appelle énormément de bandes spectrales. très très fine, pouvoir arriver à ce qu'on appelle à identifier sa signature spectrale. Parce qu'en fait, souvent les objets, on les identifie au sol, quand on fait ce qu'on appelle les cartes d'occupation du sol, parce que les objets qui réfléchissent ce qu'on appelle l'énergie lumineuse qu'ils ont reçue ont une signature particulière dans certaines longueurs d'onde. C'est-à-dire tous les objets que vous avez autour de vous ne répondent pas de la même façon à l'énergie qu'ils reçoivent en fonction des longueurs d'onde. Donc on espère l'énergie du soleil. Voilà, l'énergie du soleil. Donc on espère un jour, il y a des études qui ont commencé à montrer que l'ambroisie pourrait être effectivement détectée. Et donc effectivement, on pourrait émettre des cartes de risque et dire, ben voilà, c'est dans ces zones-là qu'il faut agir parce que ben, l'ambroisie, elle se développe et donc il faudrait peut-être, par exemple, avoir des politiques pour l'arracher, par exemple, ou des stratégies de lutte adaptées. Alors, on va bientôt se quitter. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir, donner son avis, poser une question? Monsieur. Je vais poser une question moins technique, plus personnelle. Comment est-ce qu'on devient PM, Project Manager au CNES, pour faire le travail que vous faites, là, qui a l'air passionnant, hein? Ça donne des envies. Hein. Non, déjà, on devient PM en faisant partie d'un service particulier qui est donc le service dont je suis responsable. Voilà, tous les gens de mon service savent quand ils arrivent dans le service que potentiellement ils peuvent être amenés à l'être. Après, on est project manager que si on veut l'être. Donc la charte, c'est à tous les étages, c'est pareil. Hein, c'est fonctionne uniquement sur une base du volontariat, du best effort. Et c'est pareil pour la fonction de PM. Je n'oblige jamais quelqu'un à être PM. C'est une expérience qui est extrêmement intéressante. Ça apprend énormément parce que déjà on est en lien avec toutes les autres agences spatiales. On a comme matière une gamme d'images satellites variées. On est au plus près de l'usage qu'on peut faire du spatial. Donc les gens de mon service, personne ne renacle jamais du tout, hein, même au contraire, à être project manager. Et en gros, donc, pour être PM, il faut être au plus près, être conscient qu'on est là pour servir des besoins concrets des utilisateurs, pas pour se faire plaisir, aller tirer un maximum d'informations d'une image satellite parce qu'on sait qu'avec telle méthode de traitement on sera capable d'aller sortir ça. Non, il faut répondre à des besoins très concrets, faire parfois des choses relativement entre guillemets simples, voire qui peuvent paraître entre guillemets simplistes, hein, une carte où on fait simplement un zonage en 3 niveaux de dégâts sur une ville. Je veux dire, un scientifique en télédétection va dire ça a très peu de valeur. Là, la valeur que ça a, c'est que ça doit être produit en l'espace de quelques heures. On essaie de le CERTIT, donc l'université de Strasbourg là, qui réalise ses cartographies, est maintenant certifié ISO pour une production de cartes en moins de 6 heures à partir du moment où ils reçoivent l'image. Ces cartes, elles sont réalisées par des équipes qui font des validations croisées. Les équipes de sécurité civile ont une confiance absolue dans ces produits. Ça, c'est un élément absolument fondamental à avoir en tête. Hein. Ces informations, elles servent à déclencher à prendre des décisions complètement opérationnelles. Donc, il faut une garantie totale donc de fiabilité de l'information. Et donc, être project manager, c'est effectivement être au cœur de ces processus où la situation évolue d'heure en heure, etc. Voilà. Donc après, les gens de mon service, en général, on est project manager, nous, on va dire, 4 fois, 5 fois par an, à peu près au maximum, hein, puisqu'on intervient chaque fois que la sécurité civile française le demande, ou parfois, comme on l'a vu sur Haïti, sur Sandy, à la demande des Nations Unies, ou parfois de l'Agence spatiale européenne. Mais ça vient en plus de notre boulot normal, qui est déjà, enfin, je veux dire, on s'ennuie pas, hein, j'essaie aussi de comment dire, de répartir cette tâche entre les personnes, que ça tombe pas toujours sur les mêmes, et puis que voilà, enfin, que ça soit géré le mieux possible. Mais c'est sûr que on ne manque pas de vocation, loin de là, en fait. Bon, si vous voulez devenir project manager, il faut aller voir Hélène de Boissezon à la fin de la soirée. De plus haut que les nuages, mon image, vu de tout là-haut, le monde paraît plus beau. L'homme que l'on a dit, la mesure de toute chose, est à présent réduit à la taille d'une fourmi rose. Pascal qui nous traitait hier de misérable vers de terre ne connaissait pas notre misère. La terre n'est plus qu'une vaste fourmilière. Et vu de tout en haut, on n'est plus que des petites fourmis, quoi. Mais heureusement que cet œil, il est là pour nous suivre et puis pour nous aider quand on en a besoin. On va regarder peut-être une dernière carte avant de se quitter. Elle est intéressante. On a vu que, effectivement, ces chartes, ces maladies, elles touchent, elles sont souvent déclenchées et utilisées, si je puis dire, pour des pays en voie de développement, pour des pays en dehors de la France. Mais la France aussi est concernée. Et notamment, il y a eu un déclenchement de la charte pour Xynthia. Oui, alors en fait, ce n'était pas un déclenchement de la charte, directement, mais ça a été un déclenchement d'un projet européen qui réalise une activité à peu près similaire, mais pour des activations, pour des phénomènes d'un peu moins grande ampleur que ceux de la charte. Ah oui. C'est dans le cadre GMES, peut-être ça vous parle, d'accord. Mais ce sont les mêmes acteurs que ceux de la charte qui ont opéré. C'est pour ça que j'ai trouvé qu'il était intéressant d'apporter cet exemple, et puis surtout, ça s'est passé sur le territoire français. C'était l'épisode de la tempête Xynthia en Charente. Donc GMES, il faut le dire quand même, c'est un réseau européen, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Voilà, européen de satellites pour justement faire de la surveillance. Alors, des zones. Quand il y a... De satellites qui vont bientôt être lancés, qui s'appellent les Sentinelles. Ils ne sont pas encore lancés. Ouais. Mais il y a déjà des services GMES qui sont en phase préopérationnelle, dont un service Emergency. Et c'est celui-là qui a été activé dans ce cas-là. Alors pourquoi ? Ça, c'est vraiment intéressant. Parce que la sécurité civile française, qui connaît très bien sûr les deux dispositifs, Charte et le dispositif européen GMES Emergency, avant la tempête, à l'annonce de la tempête Xynthia, se disait, bon, c'est un épisode de tempête, mais on va dire... d'une ampleur tout à fait modérée. Voilà. Et personne n'imagine. On a eu des vents de 160 km/h à l'île de Ré, où il y a finalement eu des morts. Hein. Oui, mais vu du côté de la sécurité civile française, c'était un événement. 160, c'est pas. Voilà, un événement fort, classique. Enfin, bon, on a eu vu pire. Voilà. Et donc, lorsque la tempête s'est déclenchée, ils ont estimé que ce n'était pas du niveau charte, mais par contre du niveau d'un service européen qui traite des catastrophes de plus petite ampleur. Or, ils n'avaient pas prévu, bien sûr, que des digues allaient se rompre. Voilà. Et que finalement... Parce qu'il faut rappeler que ces vents, qui quand même étaient exceptionnels, sont venus en conjonction avec des fortes marées. Voilà. Il y avait un coefficient de 102 à l'époque, 105 même à l'époque. Oui. Et donc, c'était vraiment important. Et un état de certaines digues qui n'étaient pas ce qu'il aurait dû être. Et c'est vrai que rétrospectivement, on fait toujours un retour d'expérience après tout ce genre d'événements avec la sécurité civile française. Et rétrospectivement, ils ont dit cet événement aurait mérité un déclenchement charte étant donné son ampleur, mais bon, c'est pas grave, hein. Je veux dire, c'est le mécanisme européen qui s'est mis en place avec les mêmes acteurs, avec le CERTIT qui a analysé les images, avec des images spot et des images en gros à peu près l'équivalent des images chartes qui ont été utilisées. Et vous avez ici donc sous les yeux une carte qui montre au niveau de la Faulte-sur-Mer. Donc, la Faulte-sur-Mer, c'est en Vendée. Voilà. Qui montre. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Parce qu'il n'y a pas de petit point rouge. Non, il n'y a pas de petit point rouge, mais on voit tout simplement, entre guillemets, les eaux qui sont qui ont envahi le continent et donc qui ont submergé les digues que vous voyez tout en haut. Alors tout en haut, l'espèce de. On ne voit plus les digues. Oui, voilà, il y a comme une espèce de. Comme elles sont submergées. Une espèce de triangle, voilà, en haut. Voilà. Et là, ce sont des digues qui ont lâché, là. Oui, voilà. Ouais. Et à l'intérieur, donc, sur l'essentiel de la carte, vous voyez des zones en bleu, on va dire, cyan, un bleu des mers du Sud, là, ouais. En bas, sur des parcelles agricoles et des zones urbaines qui, en théorie, sont, bien sûr, des zones qui ne sont absolument pas inondées, absolument pas à nous. Donc le bleu ciel, c'est l'eau. Le bleu ciel, c'est l'inondation. C'est, voilà, c'est vraiment donc, on n'a pas de petit triangle rouge, mais on a des grandes surfaces bleues et, voilà, et c'est là qu'est le problème. Qui montre l'ampleur des dégâts. Et cette situation a elle aussi donné lieu à un suivi au cours des jours qui ont suivi la catastrophe pour suivre ce qu'on appelle le ressuyage des sols, c'est-à-dire le retour à la normale et le suivi de la dynamique du phénomène pour évaluer quelles étaient les zones qui étaient encore très impactées par la catastrophe et surtout, chose extrêmement importante dans cette région-là, pouvoir réaliser un retour d'expérience sur mettre en place des plans de prévention des risques et une nouvelle cartographie de zones inondables qui prennent en compte un épisode d'une telle ampleur en voyant quelles sont les zones qui ont été les plus durement impactées de façon à surtout ne pas réimplanter de l'habitat, les fameuses zones noires dont on a beaucoup parlé en Vendée, de façon à établir une nouvelle cartographie de zones inondables qui prennent en compte au mieux cet événement majeur qui risque de se reproduire. Il faut savoir aussi que suite à cet événement, une opération de suivi de l'ensemble des digues, de l'état des digues a été entreprise, où le spatial à résolution Pléiade, donc à 50 cm de résolution, peut aussi jouer un rôle. Et les autorités locales donc comptent aussi sur le spatial pour une mise à jour de l'état des infrastructures détaillées suite à ce genre de phénomène. Alors, on va bientôt se quitter. On va peut-être vous le garderez pour tout à l'heure, parce que Hélène de Boissezon et Cécile Vignol restent encore quelques instants avec nous et elles pourront peut-être répondre à vos questions. Quand même, avant de se quitter, vous rappelez bien sûr que pour ce bar des sciences organisé par le CNES et l'organisation, enfin pour ce mardi de l'espace organisé par le CNES et l'association Bar des Sciences Paris, on a un autre rendez-vous. Il y a 9 rendez-vous dans l'année. Et le prochain rendez-vous, alors ce n'est pas, contrairement à ce que on avait annoncé, ce ne sera pas le 19 mars. Donc ne venez pas le 19 mars. Et c'est Mars foulé, Mars révélé. Donc un gros événement des mardis de l'espace. On aura Francis Rocard qui sera là, qu'on ne présente plus. Patrice Coll, qui est un spécialiste de SAM, qui fait des analyses des échantillons qu'on met à l'intérieur du rover Curiosity, qui se trouve actuellement sur Mars. On aura aussi Éric Lorini, qui pilote depuis Toulouse les instruments SAM, l'instrument ChemCam, qui se trouve actuellement à des centaines de millions de kilomètres sur Mars, puisqu'on a ce rover Curiosity. Donc on va parler de Curiosity, on va parler de la science qui se fait actuellement sur Mars, sur la planète Mars, donc avec ce rover américain, avec une grande participation européenne et en particulier française. Donc ce n'est pas le 19 mars, mais c'est le 2 avril. Donc c'est juste après, quinze jours après, le 2 avril, ici, mais évidemment ici, les mardis de l'espace, c'est au café du Pont Neuf. Donc rendez-vous, non pas le 19 mars, mais le 2 avril, pour en savoir plus sur la planète Mars et le rover Curiosity. Bon, merci infiniment à vous, Cécile Vignol et Hélène de Boissezon, pour votre présence, pour vos explications et puis pour tout ce que vous faites. Merci infiniment. Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée.